d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, à Assemblage requis. David Ferron viendra se salir les doigts pour nous parler du prochain numéro de son journal Zone Campus. Et Tania Baudin nous fera un compte-rendu de la semaine en sport, dans Sport et Filoché. À Assemblage requis, tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 25 octobre 2016. On est à 184 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Commençons encore une fois l'émission d'aujourd'hui en s'excusant parce que, Caroline, il n'y avait rien en ombre avant nous. Encore aujourd'hui. Hier, il n'y avait non seulement rien avant nous, il n'y avait rien pendant nous non plus. Non plus, ouais. On a des gros problèmes d'électricité à l'UQTR en ce moment. Tous les matins, les ordinateurs sont tous éteints. Tout ce qui joue par la nuit est éteint. Faut tout rallumer ça. Des grosses pannes d'électricité. Ouais, bah, tu sais, il y a de la construction dans le pavillon en ce moment. Je me demande si ça n'a pas rapport avec ça parce qu'on est rendu l'automne. Il n'y a pas d'éclair ou rien. Pas de grand vent, je sais pas. Mais de grand vent quand même, hier, il faisait pas super beau. Même non, chose mais pas de là à faire tomber mais... les poteaux d'électricité. Non, c'est ça, bref, on va voir ce que ça donne pour la fin d'émission, pour le reste de l'émission d'aujourd'hui et le reste de la semaine, jusqu'à temps qu'on puisse éventuellement régler ce problème-là. Mais c'est pas grave, hein? Une fois qu'on est arrivé en onde, d'habitude, ça continue. Ça pourrait lâcher en plein milieu de l'émission. Ça pourrait très bien. Ça nous rajouterait un petit défi. C'est le fun, ça. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir David Ferron à 8h30 pour sa chronique du Zone Campus. On va parler du plus récent numéro, le numéro 3 de l'année scolaire. On va parler d'actualité, d'art et spectacle et de sport. Parlant de sport, plus tard, normalement, si tout va bien. Normalement, si tout va bien. On va avoir Sport et Filoché, ta chronique de sport. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Eh bien, c'est sûr qu'on va faire le retour sur ce qui s'est passé du côté des Patriotes de l'UQTR. Donc, que ce soit hockey, que ce soit soccer, cross-country, natation, peu importe ceux qui se sont démarqués durant les dernières semaines. Et aussi le sport local, c'est-à-dire le Blizzard de Trois-Rivières, ainsi que le hockey senior A de la Mauricie. Mm-hmm. Allons, Sport et Filoché plus tard dans l'émission. Chronique qu'on fait habituellement le lundi, mais quand on dit habituellement, ça veut dire que je pense qu'on l'a jamais fait. Là. Peut-être une fois. Il y a tout le temps quelque chose. Oui, quand même, la semaine dernière. Ouais, bon. Et aussi, plus tard, c'est un fait dans l'émission d'aujourd'hui. Plein d'autres choses vous sont réservées juste pour vous sous votre nom en tant que tel. Il y a une petite pancarte sur la table qui dit votre nom ici. Mais avant ça, en musique, une pièce du palmarès francophone, un nouvel extrait. C'est par KNLO, ça me fait penser un petit peu à, tu sais, le band là, avec la pochette, là, Gesundheit, truc. Je sais pas, Mathieu, là? Groupe de genre de hip-hop. Ouais, l'autre. De Doobies? C'est ça. C'est ça? Je sais pas. Tu me le diras, on l'écoute. OK. KNLO, voici Tabac Indien, Assemblage requis. Aquila. Back in Canada, walk it, get more tabba, ain't it? Back in Canada, walk it, get more tabba, ain't it? We don't stick it back at Canada, walk it, get some power, ain't it? Back at Canada, walk it, get some power, ain't it? On bouge pour une révolution, mais grosse pas fait. Au CG, j'pense toutes mes profs de philo pas fait. comme les 70s, que ben ça rate ton soviet. Ben caché sur le backseat, caché en dessous d'une serviette. Go ask guest en bar et go ask Jeffrey Kelly. About les politiques, oubliez jamais la télé. Les prix on stagne, c'est pas comme Sega au vidéo, oui. Back, ça m'arrive le temps de 48 et oh, oui. Juste pense ça à Darien, pique-moi jamais revenir. Un camé avec des fleurs en cristaux, pis un slowie. C'est un détail, là, j'suis pas large, no way pour me sauver. Back à Kanawaki, au moins j'ai pas snowy. Fait de riz, la mort à verre dans pis de tabac. Donne le rire facile comme à Saint-Louis, tu ah. Merci la vie de pure, but j'suis steady smoker. Ça c'est un pour la cigarette, le reste trop pas. Back à Kanawaki, get mon cow ain't it. Back in Canada, walk and get my power, ain't it? Back in Canada, walk and get my power, ain't it? But d'inflation, les prix ont juste l'air de baisser. Mon skip ben raide, le trafic du pont Jean-Cartier. Prochaine paye dans prochaine heure, prochaine sortie. Ain't it comme le tower, ain't it? Même pas, ain't it? Blanchi comme la farine, l'histoire pas pérince. J't'en garde contre la club comme mon vieux patin léché. Hola, sola, chili, ça c'est le bel adlecci. On la voit lactée, petite casse même pas le bissec. Bienvenue aux Anunnaki, faut pas freak out, listen. J'peux pas prendre ça pour ce cash, même si t'es show là. Elle trois quarts des Yumblas dans mon hood, on se flow là. Alright. Okay. Oh, can a hook? New can a hook? Alright. Back in Canada, walking, get more tower, ain't it? Ooh. Check my dog, see you back in Canada, walking, tower, ain't it? Alright. Akila. Back in Canada, walking, get more tower, ain't it? Back in Canada, walking. Check my donk, sick your back, get some tower, ain't it? Yo, yo, on y'all that life of bad, you like mine? KNLO, t'as bien dit. Bizarre un peu. Ouais, ben. Hein? Le gars, il s'est dit, il m'a fait exactement comme Dead O'Bees. Ouais, c'est ça. Quoi qu'on s'est pas renseigné, c'est peut-être un des gars de Dead O'Bees. Ah, peut-être. On en reparlera par Barry Soufou cet après-midi, hein? Mm-hmm. C'est là qu'on se renseigne pas à Assemblage Requis. Donc, KNLO. Et maintenant, tiens, pour ceux qui veulent apprendre leur alphabet, c'est pas dans cet ordre-là. C'est pas KNLO, c'est ABCDFG. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Oui, j'ai bien dit Internet, c'est une chose qui des fois fonctionne. Commençons par le gagnant du marathon des premières Olympiques modernes. C'était en 1896. Il s'appelait Spiridon Louis. Ah, d'accord. Spiridon Louis, qui a arrêté pour se prendre une petite coupe de vin à une auberge locale sur son chemin. Ah. C'était le gagnant du marathon des premières Olympiques modernes. Rien de moins. En fait, les premiers Olympiques, c'est un Olympique. Commencement, masculin, féminin, olympique. En tout cas, les Olympiades, voilà, de toute façon, hein. On l'a dit ici, copyright appartient à CBC Radio-Canada. Une femme du Michigan nommée Diana Hussein a échangé son nom d'utilisateur Twitter, qui était @DietDrPepper, okay. Hein, à la corporation qui est parent de Dr. Pepper, pour 41 000 bouteilles d'eau qu'elle a envoyées à Flint dans le Michigan pendant la crise de l'eau contaminée là-bas. Les gens, on s'appelle, il y avait des tuyaux pourris, plein d'affaires dedans, oui, dégueulasse. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas boire leur eau. Donc, Diet Dr. Pepper, c'était son nom d'utilisateur sur mon sur Twitter. Donc, félicitations à elle. Ensuite, les wallabies, c'est un animal australien. Mm-hmm. Les wallabies, ça ressemble un petit peu à des kangourous, c'est dans la même famille. Donc, on apprend que les wallabies australiens font des crop circles. Tu sais, quand tu vois des cercles dans un champ, que les gens disent, bon, c'est fait par des extraterrestres. Hein? Oui. Donc, il y avait des crop circles en Tasmanie. Et on a appris que c'était les wallabies qui faisaient ça après avoir pris une sorte de... Ça s'appelle les opium poppies. Donc, okay. Ils mangeaient ça. C'était en 2009. C'est la tournée générale de l'État... c'est une île de l'État de Tasmanie qui a dit donc que les wallabies australiens avaient créé des crop circles dans des champs de opium poppies. Donc, on fait pousser pour leur utilisation médicinale. Après avoir consommé ça, ils commençaient à courir en cercle. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com de ce que c'est. C'est assez particulier de voir ces cercles-là parce que ça ressemble vraiment à ce que des, entre guillemets, extraterrestres auraient pu faire. Donc, opium poppy, c'est le pavot somnifère, une espèce de plante, où on appelle ça aussi le pavot à opium, le pavot des jardins, une espèce de plante herbacée annuelle de la famille des Papaveraceae. Une belle chanson, ben ça oui, aussi. De Dead Obies. De Dead Obies, exactement. Non, c'est qui le chanteur, là? Ben là, Mathieu. C'est lui qui chante, là, Papa Outé. Ah, Stromae. C'est ça. Donc, les Papaveraceae, c'est. Eh hey boy. C'est lui qui chante. Eh ben, c'est mardi, barre oblique, lundi 2 oui, pour tout le monde. Oui, c'est hein? Ça, exactement. Les tapis roulants. Oui. Tapis roulants, donc, qu'on appelle en anglais les treadmills, étaient utilisés comme punition pour les prisonniers dans les années 1800. Les treadmills, donc, étaient utilisés pour faire fonctionner les moulins à grains. C'est pour ça qu'on appelle ça, donc, treadmill. Et pour pomper l'eau aussi. Intéressant. Ah, oh, ouais. Ensuite, jusqu'au milieu des années 1980, les hôtes de l'air, donc hôtesses de l'air, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, aux États-Unis, devaient absolument être célibataires, donc soit pas mariés ou soit veuves. Et se faisaient virer si elles décidaient de se marier. Hmm. Incroyable. Il y a un article de Wikipédia qui vous raconte toute l'histoire des hôtes de l'air sur assemblagerequis.com. Il y a une famille en Florence qui garde donc des dossiers de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont écrit, que ce soit des factures, des correspondances, lettres d'amour, factures à payer, peu importe, dans une archive continuelle depuis 1362. Donc, dans leur maison, on peut voir sur assemblagerequis.com, ça ressemble à une grande bibliothèque et les papiers sont... sont serrées dans des enveloppes de papier elles-mêmes, okay. Pour pas que ça se salisse. Mm-hmm. Donc, c'est comme, ça ressemble à des bundles de feuilles d'imprimantes. Ah, ben oui. Non, c'est comme couvert d'un petit papier léger. Donc, l'année était 1362. Donc, c'est Matteo Corsini qui venait de revenir de plusieurs années à l'extérieur du pays avec assez d'argent pour acheter une propriété à San Cassiano, à 11 000 au sud de Florence. À partir de là, et pendant 600 ans, ses descendants ont suivi son exemple, c'est-à-dire d'écrire tout à leur propre sujet et préserver donc tout ce qu'ils écrivaient. Voilà. Il travaillait dans le tissu de laine. Oh! Plusieurs bibliothèques publiques américaines ont commencé à permettre la location de jeux vidéo pour essayer d'attirer les adolescents dans leur bibliothèque. Bon, ça, c'est rien de bien nouveau. En tant que tel, on a des films qu'on peut louer à la bibliothèque, donc pourquoi pas des jeux vidéo. Le résultat, c'est que plus d'adolescents viennent dans la bibliothèque et plus de livres sont loués aussi. Donc, ça excède, les locations de livres excèdent leur taux d'avant les jeux vidéo. Donc, okay. Quand ils arrivent pour louer des jeux vidéo, tant qu'à faire, ils prennent des livres. Ben, c'est bien. Intéressant. En 2002, à Novosibirsk, Pepsi a créé un concours pour gagner une voiture. Les gens qui achetaient une bouteille de Pepsi pouvaient gagner une voiture en choisissant la bonne clé pour leur voiture. Par contre, un homme a été capable de l'ouvrir. Il a été poursuivi par Pepsi parce que le concours était supposément impossible à gagner. Parce que la bonne clé pour la voiture n'était pas disponible. L'homme était, attention, un mécanicien de voiture. Mon Dieu. Il a réussi à ouvrir la voiture sans la clé. La clé était juste pas là, il n'y en avait pas. Il n'était pas supposé avoir la vraie clé de cette voiture-là. Méchant concours de crosseurs, et ils l'ont avoué en poursuivant. Au moins. Notre monsieur, ça s'est passé à Novosibirsk. Londres paie toujours une location, ouais, si on veut. Paie toujours son loyer à la reine pour une propriété qu'ils ont louée en 1211. Et le loyer, c'est deux couteaux, hein? 6 trucs fer à cheval, ouais. Et 61 ongles. Ah, OK. Comme des ongles? Non, je pense que c'est des clous. OK. Nail. Un clou. Clou. Ça a plus de sens. Ouais. Et parce moi que même, là, c'est les ongles, non, c'est dégueulasse. C'est en lisant que je me suis tout de suite rendu compte que c'était impossible que ce soit ça. Donc, deux couteaux, 6 fer à cheval et 61 clous. Ouais. En 2015, deux employés d'une garderie dans le New Jersey ont été emprisonnés parce qu'ils avaient organisé un fight club pour enfants avec une douzaine de garçons et de filles âgées entre 4 et 6 ans. Ils organisaient des concours, des combats d'enfants, comme des combats de coqs ou des combats humains, mais d'humains à enfants. Ouais, c'est dans une garderie du New Jersey. Hmm. Ouais. En 2015, on rappelle tous les faits, là, c'est récent. Une fille, une femme nommée Christina Sandhouse, qui s'est fait enlever la moitié de son cerveau à l'âge de 8 ans. Ouais, elle a... La moitié, là. La moitié de son cerveau. Elle a grandi, elle est devenue adulte, et elle a eu sa maîtrise pour devenir pathologiste de la parole. OK. Hein? Donc, Christina Sandhouse, qui souffrait d'encéphalite de Rasmussen, un désordre auto-immunitaire extrêmement rare qui causait 150 crises par jour. Sa condition empirait, les docteurs ont dit que la seule façon de sauver sa vie était donc d'enlever la moitié droite de son cerveau. Mon Dieu. Wow. Allons voir cette encéphalite de Rasmussen. C'est l'encéphalite focale, nous dit-on, de Rasmussen, ou le syndrome de Rasmussen, une maladie rare et d'évolution chronique d'origine probablement auto-immune, dégénérative et entraînant une atteinte neurologique évoluant de façon péjorative avec des crises d'épilepsie sévères et fréquentes, une hémiparésie puis une hémiplégie et une perte de parole. Donc, hémiparésie qui est... un terme médical utilisé pour désigner une parésie du côté droit ou gauche du corps, le plus souvent dans le contexte d'une affection neurologique. Une parésie elle-même, c'est un déficit moteur défini par une perte partielle des capacités motrices d'une partie du corps, comme la limitation du mouvement, la diminution de la force musculaire, parfois transitoire d'un ou de plusieurs muscles, alors que l'hémiplégie, c'est une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps d'un seul côté. Elle peut être totale et dans certains cas, le membre supérieur, le membre inférieur, le tronc et la moitié de la face sont touchés. Les causes sont variables. Donc, on apprend beaucoup de choses. Ben oui. C'est ce qu'elle avait, donc on peut comprendre qu'on voulait trouver une solution à ça. Mais c'est souvent ça qui arrive, hein? C'est les gens qui vont être atteints de quelque chose qui vont étudier dans ce domaine-là souvent. Mm-hmm. Et pour la pathologie de la parole, le pathologue de la parole, juste pour trouver en français c'est quoi exactement le terme? Est-ce que je l'ai? Je sais pas. Orthophoniste, simplement. Je sais pas, on n'a pas le même ordinateur ce matin, Mathieu. Ça avance sur la fin, non? Ça marche pas? Ça va bien. J'ai réussi à trouver ce que je devais. Ça n'a pas de sens. Thomas Paine, un des pères fondateurs des États-Unis, a dit que toutes les religions étaient des inventions humaines installées pour donc terrifier et rendre esclave l'espèce humaine. Quand même... Agressif. Agressif. Pas nécessairement tout à fait faux. Seulement 6 personnes se sont présentées à ses funérailles à Thomas Paine. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. Les esclaves, t'sais, parlant d'être esclave de quelque chose, les esclaves n'avaient pas le droit, d'être propriétaires de batteries, de drums, donc de tambours et autres, parce que c'était utilisé pour communiquer. La Nouvelle-Orléans était la seule ville où les esclaves pouvaient légalement en être propriétaires, donc des centaines d'esclaves avaient le droit de se rassembler chaque dimanche pour échanger, chanter, danser, jouer de la musique, et ça a mené à la naissance du jazz. Ah, c'est merveilleux. Tout cute. Le premier concours de beauté... d'anus. Quoi? Hein? Ah, je t'ai fait virer de bord pas mal vite, hein? Mais, ouais. Est-ce que tu t'es déjà demandé, Tania, si ton trou de pète est plus joli que celui des autres? Sérieusement, c'est une question qui ne m'est jamais venue à la tête. C'est drôle quand même. Donc, le premier concours de beauté... Parce que toi, oui? Ben non. Okay. Donc, ça a été créé par un fabricant de jouets sexuels, Brian Sloan. La compétition explore donc le trou tabou, comme on l'appelle, en essayant de trouver le butthole le plus joli du territoire américain, selon The Daily Dot. Donc, il dit, je cite, « L'anus est un trou particulier. Hein? » Ah, ben oui. « Il n'est pas aussi désiré que la bouche ou la vulve, mais désiré quand même. Donc, il donne au trou de pète une chance de briller. Hein? » Donc, Sloan est le génie derrière les jouets sexuels comme le Autoblow 2, un simulateur de blablab qui a ramassé plus de 330 000 $ en sous-financement. Mais non! Incroyable. Aussi, il a fait d'autres concours de beauté tabou. Précédemment, il a fait un concours de beauté de scrotum et un concours de beauté de vagin. Ah, enfin, mon Dieu, OK. Et vous voyez qu'on a utilisé les termes médicaux ici, donc tout va bien. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est soumettre une photo bien claire de votre poop shoot, hein, au site du concours. Si vous pensez que n'importe qui d'autre sur Internet va voir votre nom avec la photo, vous avez aussi l'option d'utiliser un alias et les données méta de chaque photo sont retirées. Donc, la ville, l'endroit où ça a été pris. Jusqu'à maintenant, en tout cas en date de l'article, il y avait 84 participants. Quand même pas mal. Trois gagnants vont se séparer 10 000 $ et vont voir leur... trou de pète scanné en 3D pour que Sloan puisse utiliser ça pour le nouveau Autoblow, le prochain jouet de... la compétition, tu vas être très heureuse de l'entendre, a une chanson thème. Non! Je te jure, et c'est on va terrible. Entendre ça, ça va être fantastique. Donc c'est pour le Anus Contest. If you moon the mirror and see fame, tu montres ta lune au miroir et que tu vois de la célébrité, aujourd'hui tu as de la chance. Que tu sois homme ou femme, maintenant ton trou est un chemin vers de l'argent. Oh, mais encore plus que des prix, Tu vas finir sur un petit électroménager. On parle de l'autoblo. Ça doit être une connexion visuelle dans le sens opposé. Alors prenez votre caméra et asseyez-vous dessus. Et de cet endroit-là viendra un succès infini dans le concours d'anus d'autoblo. AnusContest.com. Et tout le long de la vidéo, on voit des légumes qui peuvent ressembler à un... À un salat. Ça fait ce bruit-là, ça? Boy, je sais pas. C'est pas. J'ai donc, aucune idée. T'as pas aucune idée. Parce que toi, tu sais ce que ça fait comme bruit. Ben non. Franchement. Donc, présentement, on est rendu à... il y a 4 pages quand même. Si je vais à la dernière page pour voir si ça a augmenté pas mal. On est rendu à 182 participants. Et tout le monde, on voit littéralement leur trou, là. Et ils doivent écrire... Mathieu est comme traumatisé. Ouais, pas mal. Il y a une face de gars traumatisé. Et ils ont une note à côté. Donc, ici, je vois 1,5 sur 10. C'est pas, je pense que c'est en ordre, probablement, 1.6 sur 10. Si on retourne au numéro 1, on va voir, il y a 7,6 sur 10. Et les gens sont sévères, hein? Ah ouais? Le plus beau trou a 7,6 sur 10. Il appartient à Judy, 20 ans, au Texas. Ah, bon. C'est drôle, hein? Le top 3, c'est des filles. Ben oui, c'est ensuite, sûr. Lindsay et Roxy. Ah, ensuite, ça continue. Valentina, Jessica, Diana, Dominique, Mimini, Haley et Havard. Donc, le top 10 est composé de filles. Mais c'est quand même drôle de voir qu'il y a beaucoup de filles qui ont participé. Ouais. Quand, en théorie, tu penserais que ça serait des gars. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu connais les fenêtres des sorcières? Les fenêtres des sorcières? Les witch windows, c'est des fenêtres diagonales qui existent presque exclusivement dans le Vermont. Non, je ne connais pas. Le nom vient d'une superstition qui disait que les sorcières ne pouvaient pas s'envoler avec leurs balais par des fenêtres qui étaient penchées. Okay. Donc, les fenêtres allaient pas, que les sorcières n'allaient pas entrer dans vos maisons parce que les fenêtres étaient en diagonale. Oh! C'est fait spécial, que là, hein? Les gens se sont mis à faire des fenêtres en diagonale partout. Vraiment. Mais c'est quand même vraiment cool. Les photos sont sur assemblagerequis.com, oh, si ça vous intéresse à aller voir. C'est quand même le fun. Et puis, donc, c'est dans l'architecture américaine. Ça s'appelle Witch Window. On les appelle aussi les Vermont Window, les fenêtres du Vermont. Une fenêtre qu'on appelle, et dans le domaine, je connais absolument rien à ça, Double Hung Sash Window, et souvent une Single Sided Casement Window. Donc, c'est placé dans les maisons et à une rotation de 1 huitième de tour, donc 45 degrés à partir de la verticale, la laissant en diagonale avec son côté long qui est parallèle à la pente du toit. Donc, imaginez-vous un toit en pente. Ouais. La fenêtre est sur le côté dans le même angle que la pente. Donc, c'est presque exclusif à l'état du Vermont. Généralement, dans les parties centrales et du nord de l'État, on les installe principalement dans les fermes. On les a installés, oui, particulièrement dans les fermes du 19e siècle. Malgré le stéréotype, t'as sûrement entendu parler des poissons rouges qui avaient une très courte vie, si on... Ben, je savais qu'il y avait une courte mémoire, mais une courte vie, ça, je savais pas. Ah, ben voilà. Donc, non, si on s'en sert, si on utilise correctement, je sais pas comment ça pourrait t'en servir. Comment tu peux te servir d'un poisson rouge? Si on s'en occupe correctement, un poisson rouge moyen peut vivre jusqu'à 10 ans en tant qu'animal de compagnie et jusqu'à 25 ans, comme ça, dans la vie, s'il n'est pas en captivité. La plus longue vie enregistrée pour un poisson rouge est de 43 ans. Dans un aquarium? Non, okay. En général, c'est ça. Sûrement dans son environnement. Hey, on faisait dur, nous autres, en appartement. Une semaine, il était mort. Dans la toilette. Dans la toilette. On s'excuse à Sushi 1, Sushi 2, Sushi 3. Sushi. Sushi. Oh, Sushi. Pauvre petit Sushi. J'avoue que comment ça fait que les gens ne mangent pas à la place de le mettre dans la toilette? Arc! Mathieu, t'es sérieux? C'est un peu de vermicelle de rec. tu connais Pablo Escobar? Oui. Pablo Escobar. Sa fille voulait une licorne. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un cheval. Puis il l'a déguisé en licorne. Ben, il lui a comme... agrafé, si on veut, un cône à sa tête et des ailes sur le dos. Le cheval est mort d'une infection. Mais le mon Dieu, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est Pablo Escobar. Ils n'ont pas fait d'épisode de c'est quoi l'émission? Narcos, c'est pas ça là-dedans? Ouais, ben je sais pas s'il le fait là-dedans, là, mais... Le jour du Nouvel An, en 1976, un homme nommé Danny Feingood, tu sais, quand tu dis que ça va bien, I'm fine, ouais, I'm good, c'est ça. Feingood, a changé la pancarte Hollywood pour dire Hollyweed. C'était une blague universitaire pour célébrer la décriminalisation de la marijuana. La blague était donc un projet de classe alors qu'il était en art à l'université. Et oui, pour ceux qui se posent la question, il a eu un A sur son projet. Ah, ouais? Ouais. Ben, première, parce qu'il a réussi à le faire. Sans se faire prendre. C'est ça. Exactement. Les athlètes du Royaume-Uni ne reçoivent pas de bonus de la part de leur pays s'ils gagnent une médaille olympique. Par contre, les athlètes allemands reçoivent une vie complète de bière. Oh! Donc, okay. Une durée de vie complète de bière. Et les Biélorusses reçoivent des saucisses illimitées. Ah, oh, ouais. Ce qui, selon certains, vaut pas mal plus cher que de l'argent. Ici, c'est du sirop d'érable. Sirop d'érable, ah, le... toutes ces informations ne sont pas nécessairement vraies. Ça, c'est vrai. Et finalement, le café, à l'origine, était un aliment et non pas une boisson. Les tribus de l'Afrique de l'Est mélangeaient leurs grains de... Pas leurs grains, leurs... Comment est-ce qu'on appelle ça? À la base, c'est une baie. C'est bien ça? Le café? Attends un peu. On va aller voir ça. Baie de café... J'arrive pas à trouver. Mais en tout cas, le grain de café à la base, il mélangeait ça avec du gras d'animaux. Okay. Et ça a formé les premières power bars du monde, si on veut. Une barre de collation. Ouais. Je savais pas. Ouais. Donc voilà, pour c'est un fait, les liens sont sur assemblagerequis.com. J'espère que tu savais pas la plupart de ces choses-là. Hein? Non. Ouais. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Ça, je l'ai dit. On va prendre une pause musicale avant de revenir. Qu'est-ce qu'on a plus tard? D'autres choses. Oui. On se renseigne sur ce qui s'en vient. Ben oui, tout à fait. On dirait qu'on sait pas où qu'on s'en va un matin. Ben c'est comme si on savait pas, là. C'est, ouais. C'est comme si on éteint des feux partout en même temps qu'il y a d'animés. Parce qu'on doit régler des problèmes en studio en même temps qu'on anime, mais c'est le fun, ça te donne un petit défi pour vrai, tu sais. Exactement. Tant qu'à ça. Ça fait aller notre improvisation. Absolument. Tiens, on va l'entendre une autre pièce du palmarès. On va l'entendre quelque chose du côté anglophone cette fois-ci. Pourquoi ne pas entendre? J'ai envie d'entendre quelque chose qu'on écoute vraiment jamais, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce qu'on a encore une pièce qu'on n'a pas entendue? Je ne pourrais te dire. Une pièce qu'on n'a pas écoutée à Assemblage Requis. J'ai pas les feuilles devant ça, moi. Non, c'est vrai, t'as pas ça, je m'excuse. J'ai pas les feuilles non plus, mais j'ai les fichiers. Tant si on va rester du côté francophone, je ne crois pas avoir entendu Elle me tue à Assemblage Requis. Donc voici tous les chemins mènent à Rome à Assemblage Requis. Au 89 FM. C'est vrai ça. Ça changera pas. Non, ça devrait rester comme ça. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes à Assemblage Requiem ce mardi 25 octobre 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Maintenant, Colin, on a réussi à se rendre jusque-là malgré les obstacles devant nous. Les obstacles cette semaine, c'est quelque chose auquel on ne peut éviter. C'est ça, on est comme aux Olympiques. Pareil. On aimerait ça pouvoir arrêter comme le monsieur tantôt, boire une coupe de vin dans une auberge. Ah, ça serait pas pire. De temps en temps pour oublier nos problèmes. Donc, c'est le moment de parler de sport. Voici Sport et Filoché. Quand même de pouvoir retrouver tout ce que j'avais déjà trouvé sur le sport. Parce que, comme on le disait depuis tout à l'heure, bien, on a quelques obstacles ce matin. Technologiques, oui. Mettons, entre autres, l'ordinateur à Mathieu fonctionne super bien ce matin. Ouais. Le mien, pas du tout. Selon mon ordinateur, on est en 2002 et on ne me laisse pas accéder à Internet. Une question probablement de batterie dans l'ordinateur, mais c'est bizarre parce qu'on a eu tellement de problèmes d'électricité et tout ça que je me demande s'il n'y a pas un lien encore avec ça. Ça a peut-être fait péter quelque chose dans l'ordi. Bref, nos problèmes ne sont pas les vôtres. Alors parlons de sport et ce qui s'est passé autant chez les Patriotes que dans les ligues locales. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on couvre parce que bien évidemment, on le sait, on est sur le terrain de l'UQTR. Alors on va suivre... Bien évidemment, toute la saison, les sports universitaires, mais aussi les sports locaux, c'est-à-dire plus ou moins les équipes de hockey, parce que là, on est rendu au temps de l'année où que ça joue pas mal au hockey, plus que ça joue peut-être au soccer à l'extérieur. Alors, on va faire le tour de tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses du côté des Patriotes UQTR cette fin de semaine. On avait un gros week-end, donc plusieurs sports différents. Et ça a commencé tout ça jeudi du côté du soccer féminin. On a joué contre l'équipe de Bishop. On le sait, il y a seulement l'équipe féminine qui joue contre l'Université de Bishop parce qu'ils n'ont pas d'équipe masculine au soccer. C'est drôle quand même qu'ils n'aient pas innové avec ça, éventuellement. Je sais par contre qu'ils ont une équipe de rugby et l'équipe de rugby féminine a été dissoute avec les années. Mais écoute, Bishop, plus de filles que de gars qui jouent au soccer là-bas, faut croire. Alors, verdict nul face aux Gators de Bishop. Jacinthe Lépine a été la seule buteuse des Patriotes UQTR et Maria-Laura Crozes, la gardienne, s'est très bien démarquée. Elle fait un excellent travail. On vient de l'avoir cette saison, nouvelle joueuse. En début de saison, c'est pas elle qu'on avait mis dans les buts non plus. Et là, on a commencé à lui donner beaucoup plus de terrain. Je te dirais que ça fait son petit bout de chemin. Ça commence à bien aller du côté des filles des Patriotes, du côté du soccer. Bien évidemment, c'est sûr qu'on a encore un petit peu de difficulté avec la communication. Ça fait quelques fois que j'en parle. J'ai comme le plaisir d'animer les matchs des soccer. Donc, je peux aussi analyser en même temps avec les gens qui sont avec moi. C'est ça. Non, pas nécessairement juger, mais vraiment se poser les bonnes questions. Puis on dirait qu'il y a des filles qui travaillent beaucoup mieux ensemble que séparément. Mais on dirait qu'il y a ce petit manque-là de communication sur le terrain entre les filles qui pourrait faire vraiment toute la différence. Mais on a aussi, pas cette problématique-là, mais il y a beaucoup de nouvelles joueuses du côté des Patriotes UQTR au soccer. Et c'est ce qui fait qu'on a un temps d'adaptation peut-être plus long à avoir que les autres équipes. Si on prend, par exemple, l'Université Laval, bien eux, ça fait déjà en grande partie, en majorité, 3 ans qu'ils jouent ensemble. Donc, cette fameuse chimie-là, cette fameuse communication-là, ils l'ont en partant. Puis, ils connaissent très bien aussi leurs faiblesses comme leurs points forts, ce qu'on ne connaît pas encore du côté des Patriotes féminins ici. Mais je pense que ça devrait commencer à y aller. On devrait avoir de beaux jeux, de belles communications qui vont se passer sur le terrain. Il reste quelques matchs encore, donc on va garder ça à l'œil, bien évidemment. J'ai eu la chance de voir... de pouvoir assister directement du booth. Oui, c'est vrai, passée. Mathieu, t'étais là. C'est le fun d'avoir Pierre Clermont, toi et le reste de l'équipe dire des « Oh, come on! C'est inacceptable, ça! » Ouais. Moi, je pouvais entendre ça. Les gens sur le terrain, j'imagine, les filles ne pouvaient pas entendre, tant mieux pour elles. Non, je sais. C'était un match quand même assez relevé. Là. Il y a des coudes qui se sont levés du côté de Bishop, comme du côté de l'UQTR aussi. Ça l'a joué rough, mais je te dirais que c'est le fun de voir que justement nos filles veulent à ce point-là. Et c'est peut-être justement ce qui a fait en sorte que ça a été nul. 1-1, on le sait, un match de soccer peut terminer nul, c'est un petit peu c'est décevant, dommage, mais de ce côté-là, c'est le fun parce qu'on a justement pu avoir ce côté agressif-là que peut-être on n'avait pas depuis le début de la saison. Alors justement, le mettre de l'avant dans les prochains matchs, là, les filles, Est-ce que tu pourrais avoir genre des matchs nuls à chaque match puis à la fin genre finir avec un point pour la saison genre? Ben en fait c'est que ton point quand tu annules un match te donne un point. Quand tu annules un match ça te donne un point. Oui, parce quand que tu fais des points ça fait quoi, c'est les doubles? Je pense que ça les double selon ce qui se passe, selon le nombre de points que tu vas scorer aussi. Wow! C'est ouais, comme c'est par rapport à la moyenne de points, exactement. Ouais, ouais, donc, quand tu annules, en fait, tu gagnes un point parce que t'as pas donné l'avantage à l'autre équipe. Eh ben! On va t'apprendre ça, Mathieu. Ouais, c'est ça, je vais pas le retenir, mais merci. Ça fait plaisir. Du côté de vendredi, parce que j'y vais vraiment chronologiquement dans le temps. Vendredi, bien, les hockey étaient du côté de Concordia à Montréal. Malheureusement, on a eu une défaite de 6-3 contre les Stingers de Concordia. On avait eu aussi une défaite contre eux lorsqu'ils étaient venus ici à Trois-Rivières en match préparatoire. Je pense que cette année, ça sera peut-être pas les Redmen de McGill qui va avoir la plus grande rivalité avec nous. Ça va vraiment être les Stingers de Concordia. Non. Ça fait quelques années qu'on dit justement que ça donne toujours de bons matchs UQTR Stingers. C'est encore quelque chose qui est véridique. J'ai bien hâte de les voir revenir ici à domicile pour justement voir si on peut avoir cet avantage de la glace qui pourrait nous donner peut-être un petit boost. Là aussi, on a plusieurs joueurs qui sont nouveaux. On a plusieurs joueurs aussi qui étaient blessés. Alors de ce côté-là, est-ce que c'est... je veux pas nécessairement expliquer la défaite, mais est-ce que ça pourrait avoir un lien avec la défaite de 6-3 de vendredi? On va se croiser les doigts, se dire que peut-être... Et on pourrait peut-être avoir une amélioration dans les prochains jours. Ça serait vraiment cool. Ouais, souhaitable. Souhaitable, en effet. Samedi, bien, il y avait un championnat de badminton, un tournoi de badminton. Victoire de 3-2 de l'équipe masculine contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Une équipe qui avait pas de défait depuis 2 ans au moins. Donc, l'UQTR jouait contre eux depuis 2 ans et on n'avait jamais réussi à les battre. Ouais. Cette fin de semaine, ça s'est fait. On doit, entre autres, souligner le travail de 3 joueurs en solo. Ça va Audet et Nado. Le tournoi se poursuivait aussi dimanche, donc vous allez voir, je vais vous en parler de façon chronologique encore une fois. Mais les Patriotes se sont vraiment très bien démarqués lors de ce tournoi-là, que ce soit dimanche ou samedi pour leur performance. Et vous allez voir aussi, un des joueurs est devenu le joueur de la semaine, un des Patriotes de la semaine. Wow. Donc du côté du badminton, aussi ça va bien pour les Patriotes, UQTR. Du côté de la natation, samedi, eh bien, c'était la 2e coupe universitaire qui a été plus difficile en période d'entraînement. Donc, les nageuses de l'université... Qu'est-ce qu'il y a? On a quand même réussi à faire leur place durant cette 2e coupe universitaire-là. Entre autres, Gabrielle Cyr a terminé au 4e et 6e rang, entre autres aux 50 et 100 mètres. Tandis que sa coéquipière Roberge a obtenu 2 top 10. Donc, la semaine dernière, on disait que les filles de natation se démarquaient justement sur le plan du RSEQ un petit peu partout au Québec contre les autres universités. Le réseau des sports étudiants du Québec. Exactement. Donc, encore une fois, cette fin de semaine, on a pu mettre de l'avant nos nageuses. Ça va bien du côté des Patriotes, que ce soit dans n'importe quel sport pour le moment. On met de l'avant qu'on est une université peut-être plus sportive qu'on ne pourrait le croire. Oui, oui, oui. Oh! Samedi, ça l'a encore joué au hockey, donc 2 soirs d'affilée, on a pu voir les Patriotes à l'extérieur de la ville. Ils étaient vraiment sur l'horaire d'aller à Montréal. En tournée. Oui, exactement, en tournée. Ils jouaient à l'étranger. Donc, vendredi, c'était contre les Stingers, mais samedi, c'était contre les Redmen de McGill. Il fallait bien évidemment que je parle de la rivalité pour qu'on puisse jouer contre eux le lendemain. Donc, les Patriotes l'ont remporté 3-1 sur les Redmen. Baudry, Lefebvre et Mimard ont été les marqueurs. Le prochain rendez-vous pour les Pats hockey, si jamais ça vous intéresse, ça va être le vendredi 28 octobre. Donc, pas cette semaine, parce que, bien évidemment, on est en semaine de relâche. Non, en semaine de travaux et d'études. C'est cette semaine, le 28, cher. T'as raison. Ben oui, t'as raison, Mathieu, on est le 25. Donc, ce vendredi, face aux Lancers de Windsor, je crois que c'est ici, à domicile. Je vais faire la recherche et je vais vous poster ça sur la page Facebook ben oui, de Sablage Requis, parce que malheureusement, l'information me manque ce matin. Et du côté de cette fin de semaine vraiment chargée pour nos athlètes de l'UQTR, eh bien, dimanche, ça jouait au soccer au stade Gilles Boulet, encore une fois. Il faisait pas chaud, mais pas du tout. on avait tous nos manteaux d'hiver, nos tucs, nos mitaines, nos doudous, puis... Ben, faut dire que le bout de diffusion pour le soccer, c'est même pas fermé, là. C'est fermé de côté. Ouais. C'est ça. Il y a un petit toit. C'est fermé de côté. C'est pas fermé de l'avant. Donc, s'il mouille, il mouille dessus. Ouais. Et c'est humide. Ouais. C'est quand l'humidité pogne dans cette petite cabine-là. On est en train de voir si on peut pas se magasiner une chaufferette pour la gang. Avec une petite toile, quelque chose, là. Ça serait bien, bien le fun. Du côté de l'équipe féminine, eh bien, malheureusement, on a eu une défaite de 5-0 face au Carabins de l'UDM. Mais du côté des Patriotes masculins, l'équipe a très bien joué. Les Pats ont remporté le match contre les Carabins de l'UDM par la marque de 1-0. Donc, ça a été quand même serré tout le long du match. Mais Félix Bouchard a été le seul buteur de la rencontre. On est encore premier au classement présentement. Ça fait quelques fois qu'on en discute, mais les Patriotes soccer, ça va extrêmement bien. Restez à l'affût, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Les Patriotes devraient poster dans les prochains jours s'il va y avoir un prochain match avant le championnat intérieur. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce dernier match-là qui pourrait peut-être justement nous donner la main pour le championnat, eh bien... Restez à l'affût par rapport aux Patriotes de l'UQTR. Je parlais des Patriotes de la semaine tout à l'heure. Eh bien, c'est Gabriel Cyr en natation et Simon Savard en badminton. Alors, on a parlé de Gabriel Cyr tout à l'heure qui a connu d'excellentes performances le week-end dernier lors de la deuxième coupe universitaire qui se déroulait à l'Université McGill. L'étudiante au baccalauréat en sciences infirmières a réalisé des temps de 34 secondes aux 50 mètres. Hey, 34 secondes. Aux 50 mètres. C'est rapide. J'imagine. Et de 1 minute 15 aux 100 mètres, les performances de la brasseuse lui ont permis d'atteindre les 4e et 6e positions du classement général. Elle a également atteint ses standards RSEQ. On parlait du réseau des sports étudiants du Québec. Et elle était à moins d'une seconde des standards du système canadien. Donc, ce qui est excellent pour un début de saison. On a bien hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire tout au long de la saison. Du côté de Simon Savard, eh bien, lui aussi a connu un excellent week-end à l'occasion du tournoi de badminton qui se déroulait au CAPS, ici même au Centre de l'activité physique à l'UQTR. L'étudiant au baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et de la santé a remporté 2 de ses 3 rencontres en simple contre l'ETS, donc une victoire en 3-7, et contre l'Université de Sherbrooke, qu'on parlait tout à l'heure, une victoire en 2-7. Donc cette dernière était d'autant plus importante et décisive puisqu'elle allait permettre à l'UQTR de remporter cette première victoire en équipe face au Vert et Or en 2 ans. Donc félicitations aux deux qui sont les Patriotes de la semaine. On vous lève notre chapeau, c'est pas moi qui ferais ça. T'achètes un chapeau. Non performé comme le fond. du côté du sport local, on discutait du blizzard de Trois-Rivières. Ça va pas bien, ça va pas bien, faut qu'on l'avoue. Ben voyons. Ça va vraiment pas bien. Aucune victoire depuis le début de la saison. On parle de 5 à 6 défaites jusqu'à maintenant. Mais malgré la défaite, il y a du positif parce qu'on change d'entraîneur-chef. Okay. Donc, c'était Jonathan Lessard qui était l'entraîneur-chef depuis le début de la saison. Mais là, c'est vraiment l'acquisition de Bob Desjardins qui va devenir entraîneur-chef. Qui devrait, en théorie, faire la différence selon plusieurs partisans, que ce soit sur le forum Facebook ou que ce soit sur la page de l'équipe. On voit que Bob Desjardins est un entraîneur qui est voulu au sein de l'équipe et qui devrait justement apporter ces fameux changements-là qu'on attend. Donc, beaucoup d'actions en ce dimanche dans l'entourage du Blizzard de Trois-Rivières alors qu'un match contre Ten Fern Mines était au programme. D'abord, il y a eu 1007 spectateurs à Thetford Mines, pas ici à Trois-Rivières parce qu'on en a beaucoup moins que ça, malheureusement. Mais on a vu du changement derrière le bord des Trifluviens pendant que Bob Desjardins prenait la place, justement, de Jonathan Lessard. Donc, on faisait peut-être quelques tests, voir si ça allait bien se passer si on mettait Bob Desjardins comme entraîneur-chef. Les internautes ont bien vu que le nom du vétéran du hockey était indiqué comme entraîneur-chef, ce qui a amorcé des discussions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres. Donc, Jonathan Lessard l'a lui-même appelé la veille pour lui dire qu'il ne se sentait pas à l'aise avec le rôle d'entraîneur-chef et lui a demandé de prendre sa place, mais de lui rester assistant coach. C'est beau, ça! Donc, on ne va pas nécessairement perdre Jonathan Lessard, qui a déjà joué pour l'équipe de Trois-Rivières, sachez-le. C'est un gars que je pense qu'il est capable de remonter les troupes, justement, et de le voir comme assistant coach. Je pense que ça va faire un changement et de voir Bob Desjardins devenir entraîneur-chef, pouvoir faire les changements qui doivent être faits au sein de l'équipe. Ça devrait justement peut-être allumer quelques flammes au sein de l'équipe, ce qui ne devrait pas être une chose mal vue. Parce que présentement, ça, c'est pas très, très positif non, c'est pour ça. L'équipe de Trois-Rivières. On perd, puis on perd. Le blizzard me blise le cœur. Oh. Mais ce qui est fun avec le sort, c'est qu'il y a comme quasiment son nom dans le blizzard. C'est blizzard, blessard. Je sais, hein. Ça fit bien. Ça fit super bien. Pour ceux qui veulent le savoir, eh bien, le blizzard va être sur la route jeudi soir pour affronter les Prédateurs de Laval à 8h avant d'accueillir Thetford Mines ici même à Trois-Rivières dimanche. Si jamais vous voulez toutes les informations, c'est super facile. Vous allez sur la page Facebook du Blizzard de Trois-Rivières. Vous allez avoir tout ça. Et du côté de la Ligue d'hockey senior A de la Mauricie, Mathieu, ça, je sais, c'est ton équipe. Ben oui. C'est Climatisation Cloutier, ben, ceux que tu adores tant. On est meneur à la Ligue. Présentement, on est dans les plus hauts classements pour le Cap de la Madeleine. Alors, on a travaillé contre Joliette cette fin de semaine. On a terminé tout ça en prolongation. Ça a été un match quand même assez serré, mais Michael Bélanger a tranché le débat en prolongation dans ce game de climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine. Hey, c'est long comme nom d'équipe. Hein? Tu trouves ça long? Juste un petit peu. Est-ce que tu trouves ça vraiment laid aussi? Ben écoute, hein, on y va avec ceux qui donnent l'argent à l'équipe. C'est ça. Ah, moi j'ai pas reçu d'argent pour dire leur nom. Oh. Ils appellent les colonisations. C'est ça. Cramées. Ah, oh, peut-être. Colonisation cramée. Mathieu leur fait tout le temps un nouveau nom. Ils jouaient contre les sportifs de Joliette. Donc contre Joliette, les vainqueurs prennent le premier rang du classement avec 8 points contre Joliette, justement. On parle d'un classement assez serré. On a simplement quelques points de différence. Tout peut encore se jouer. En fait, on est en début de saison, donc bien évidemment, tout peut se jouer. Nicolas Lévesque, Benjamin Parent ont inscrit des doublés pour les vainqueurs. Simon Laliberté, qu'on connaît bien ici. Monsieur les Aigles. Là. Monsieur qui anime les Aigles, c'est vous, 89 FM. Eh bien, Simon Laliberté et Guillaume Gélina ont marqué les autres buts des vainqueurs. Danick Poirier a marqué 2 buts et récolté 2 passes dans la défaite. Ça, c'était pour Joliette, bien évidemment. Mais avec tout ça, comme je le disais, nous, on se ramasse en haut du classement. Oh, et elle est sur la lune! Comme le dit si bien Simon. J'espère qu'il écoute pas, là. On rit pas de toi, c'est mon thème. Non, on rit avec toi. Exactement. On t'aime, on est fiers de toi. Continue comme ça. Quand tu nous amènes sur la lune. Oui. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer du côté de l'équipe du Cap de la Madeleine, eh bien, ça va jouer samedi soir pendant que le Bellemare de Louisville... On devrait jouer ici à domicile à Trois-Rivières, au Cap de la Madeleine. Ça fait partie de Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas encore contre quelle équipe, mais si jamais ça vous intéresse, faites la même chose que tout à l'heure. Allez voir sur Facebook. Et voilà, faites comme Tania a fait depuis le début de l'émission. Oui. Allez ramasser toutes ces nouvelles-là ensemble. Pas le choix, hein. Faut faire ce qu'il faut. Et... c'est ce qu'ils disent. Voilà, Mathieu, c'est sport et flushé ce matin. C'est génial. Une grosse fin de semaine remplie de sport qui mettait nos Patriotes de l'avant, qui ont réussi à bien les mettre de l'avant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la plupart de nos athlètes. Mais jusqu'à présent, on se démarque bien, on fait bien les choses. On se lève les manches. On continue. Génial. Merci, Tania, pour sport et flushé. On fait ça habituellement les lundis matins à l'émission. Mm-hmm. Si tout va bien, on devrait revenir à cette classe-là. Les lundis, quand il n'y a pas de panne. Quand il n'y a pas de panne courante. Moi, ce que j'offre à ces joueurs-là, chacun d'entre eux, c'est un beau gros trophée. Donc voici La Féline et Trophée. la féline. Trophée. Autour de la pause, David Ferron et sa chronique Zone Campus. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez tardé. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce mardi 25 octobre 2016. Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Maintenant, c'est le moment d'accueillir celui qui nous titille l'ivoire. Oh. Un petit peu comme, non, mais un peu comme un musicien taquinerait le piano ou un chat taquinerait. Ah mon Dieu. Pourquoi il faut automatiquement qu'il y ait des chats dans ses présentations, c'est Mathieu? Pas. 2007, souvenir, hein? Ça fait presque 10 ans qu'il est Bobcat. Mais il est pas mort, ce chat-là? Je sais pas. Hey, je veux pas savoir s'il est mort, OK? Moi, parce oui. Que ça va tout... Non... Attends, Keyboard Cat. Keyboard Cat, faut savoir ah, non, s'il est mort. Ah non, j'ai pas... T'as bon, pas, ça, je peux pas vérifier. Oh, y'a-tu le remix? Non. C'était trop tard, on l'a oh. C'est la version bass. Et surtout que j'ai pas dans la journée avec une pointe en dresse common. Ça, c'est le jeudi, une grosse pointe en dresse. Ouais, c'est ça que je dis. Quelle journée de... Il y a des chats dans ton intro, Mathieu. C'est donc... La... C'est agressant, c'est... là. Non, c'est la chronique du Géon Campus. Géon Campus, offert gratuitement Géon. À Pierre et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et l'autre chat de clavier, lui-même, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui est avec nous, David Ferron. Salut. Salut, mon petit félin. Ah oui. On est là pour parler du journal Zone Campus, donc le numéro 3, qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, un petit peu plus tard ce matin. Et ça va être le cas jusqu'au 7 novembre prochain. Oui. Sur la une, on en parlera une fois en zone en arrêt-spectacle, mais c'est Kino 3R, cinéphile au rendez-vous. On en parlera tout à l'heure. Commençons en actualité avec le dévoilement du thème et de la programmation du Carnaval étudiant 2017. Oui, donc dans l'article rédigé par Caroline Filion, le thème du Carnaval étudiant qui aura lieu, normalement c'est toujours la troisième semaine de janvier, eh bien le thème c'est les émissions de télévision. De toute l'histoire, les plus marquantes, je pense. Donc l'UQTR va être un des seuls endroits au monde où ce moment de la petite vie va rencontrer un zombie. Incroyable! Ben oui, c'est cool. Ouais, ça va être le fun, ça. Ben oui. En ce sens, ton mot de la rédaction, Vive l'incertitude, t'avais une phrase clé, je pense, pour nous donner un avant-goût de ça. Oui, exactement. Ça s'appelle « Ô grand esprit, délivre-nous de notre saleté terrienne oh. ». C'est tout ce que j'avais à dire sur Est-ce mon mot de rédaction. Est-ce que tu faisais allusion à Donald Trump? Ah, j'avais pas pensé. Ou peut-être que littéralement, il a tapé n'importe quoi sur son clavier, un peu comme le keyboard. Ça a fait ça. J'avoue que j'étais entre ça ou des photos de Minou. Ouais, ah bon. Ben de chaton, là, de chat. J'ai pensé faire sortir un petit chat de son texte juste dans le coin. Quand... C'est du n'importe quoi. Lâchez-moi les chats, boys. On se demandait si ça allait atteindre la crédibilité de gens. En reportage, oui, un reportage dans son campus, le point de vue du QTR sur les initiations. Oui, exactement. Donc, on voulait voir comment l'UQTR abordait la question des initiations. En fait, on a le point de vue de la GQTR, du groupe des jeux de la communication. Ça, c'est un groupe du programme en communication, justement. Donc, voir c'était quoi leur point de vue là-dessus. Et aussi, au niveau du show de la rentrée et ce groupe Action Femmes, parce que c'est tous des groupes ou associations qui sont impliqués dans leurs activités respectives, mais aussi comment eux, ils voyaient le respect par rapport justement au consentement et tout ça. Donc, comment qu'on faisait pour éviter les abus et les trucs disgracieux qu'on peut retrouver dans les initiations. Et justement, juste en dessous de ça, il y a un autre article sur le groupe d'Action Femmes. oui. En troisième page. Ensuite, nouvelle acquisition à l'UQTR, on parle de l'imprimante 3D à la bibliothèque. Oui, et parce qu'en fait, c'est pas la première fois que l'UQTR a une imprimante, parce que l'école de l'ingénierie avait déjà ça. Non. Sauf que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Moi, si ça, avant, c'était pour les ingénieurs qui devaient s'en servir. Oui. Là, maintenant, le public peut aller faire imprimer de quoi en 3D, puis ça, c'est vraiment cool. Oui, exactement. Donc, c'est pas juste réservé au personnel ou aux étudiants de l'UQTR. Est-ce que tu sais si ça coûte quelque chose de cher? C'est une bonne question, mais il paraît que c'est pas tout dépendamment sûr que si tu fais imprimer un doigt ou un bras. Oui, c'est ça. Mais vu que c'est un projet universitaire, ça doit pas être si cher. Non, puis en tant que tel, c'est moins cher que vous achetez une imprimante 3D à plusieurs centaines de dollars. Ensuite, le 5 à 7 d'automne des cycles supérieurs, une nouvelle formule pour le rendez-vous de ces étudiants-là. Oui, c'est que avant il y avait justement dégustation de vin, fromage et également charcuterie. Mais là, cette année, on reprend justement cette formule-là, mais on voulait miser sur les contacts et les relations entre les convives. Donc, on a organisé des petits jeux pour créer une ambiance de collégialité. Cool. Et puis une entrevue avec Martin Lambert du service des activités étudiantes. Oui, exactement, parce que Martin Lambert, c'est le conseiller à la vie étudiante. Donc, quand une association étudiante veut organiser une activité, bien, Martin Lambert, il est là pour conseiller les associations pour que tout se passe bien. Mm-hmm. Ou si vous êtes proche des bureaux de C'est fou, c'est lui qui crie dans les corridors aussi des J'ai fois. J'ai vu! Et pour terminer, l'humain approximatif, ça c'est le nom de l'éditorial de Samuel Pedro Beauchemin. Cette semaine, son titre, avez-vous dit culture cinématographique? Oui, justement, donc il dresse le portrait sur la cinématographie québécoise et en se demandant, est-ce que la cinématographie québécoise manque de diversité? Oh, intéressant. Et ça fait deux éditoriaux de suite avec le mot culture dedans. Ben oui. C'est ça. Ensuite, après les actualités, on va en société. Oui, c'est Gwendoline Lebeaumain qui nous parle de la faute à la laideur, un œil sur l'actualité internationale. Oui, exactement. Donc, elle va parler des Pokémon. Oh, ben oui. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est que... en ça fait, j'allais juger. En fait, c'est qu'elle va parler d'un animal assez particulier qui est en fait très chassé pour sa peau et sa chair et sa pesante assez chère. Donc, on fait la comparaison avec Pokémon Go. Oui, parce que le pangolin, donc ça, c'est l'animal dont Gwendoline parle, c'est que c'est le Pokémon Sabelette. Mais en fait, juste une phrase là-dessus, c'était juste pour titiller vos oreilles. Non, c'est ça. Mais avoue que le nom a l'air d'un Pokémon dans la version française de Pokémon. Le pangolin? Le pangolin. Oui. Tu sais, leurs noms, les Français sont tellement mais les Pokémon sont basés sur des vrais animaux à la base, là, non? Je sais pas. Ben, ouais. Pikachu, c'est une souris. Ah ouais? Hein? Vous saviez pas ça? Hein? Oh boy. Donc, pour revenir... Arrêtez de me niaiser! Donc, pour revenir au texte de Gwendoline, en fait, le titre, c'est la faute à la laideur. Ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, on s'intéresse au pangolin pour sa peau qui voudrait 2 500 $ canadiens la pièce. Oui. Et finalement, ben, la commission, la convention interdisant le commerce des espèces menacées a mis le pangolin à son index. Et okay. Aussi, ce qu'elle explique, c'est que le pangolin, si vous le voyez, c'est pas un animal. Disons que c'est pas un Golden Retriever. Tu sais, un Golden Retriever, on le flatte, on fait « Oh, qu'il est beau tant que le pangolin. » Il a pas une... Il a une beauté typique, si je peux dire ça comme on ça. On dirait un tatou. Oui, exactement. Donc, c'est vrai. Ce qu'elle explique, c'est que le pangolin, vu qu'il est considéré comme laid, ben, il attire pas nécessairement l'attention tout de suite. Mm-hmm. Donc, ce qu'elle explique, c'est pas parce qu'un animal est laid qu'il est pas important. Il peut se tenir sur deux pattes. En plus. C'est cool. Oui. Juste pour ça mérite d'être sauvé. Ben oui. Ben, pas juste pour ça, parce que ça permet une biodiversité. Mm-hmm. Mais peu importe le niveau de beauté esthétique qu'on accorde à l'animal. Voilà. C'est quand même drôle. Kevin Gaudreau nous parle en entre les deux pôles d'anxiété généralisée. Oui, exactement. Donc, il explique comme quoi l'anxiété, ça peut mener... ça peut avoir des répercussions personnelles, mais aussi dans son entourage. Ben oui, c'est sûr. Aussi, et qu'est-ce que ça fait au niveau de la santé physique et mentale aussi. Bref, un beau portrait de l'anxiété qui me rend encore plus anxieux. Arrête. Parce que je me demande si je suis trop anxieux, donc ça me cause d'anxiété. Zen, David. Sois zen, David. Oui. Faites du yoga dans le... Oui. Non, pas dans le bureau, mais faites du yoga. Il va réussir à faire planter nos ordi. Oui, c'est ça, exactement. En faisant son yoga. J'ai pas besoin de faire du yoga pour ça. Ou du café. Du côté de la chronique d'Anthony Morin et Marie-Ange Perrault, la petite bite, comme ils appellent, je pense qu'on parle en fait de relations après avoir laissé quelqu'un. Oui, exactement. Donc le titre, ça s'appelle « Entre amour et caresse, la sexualité a bien meilleur goût ce qu'elle explique, c'est que... C'est Marie-Ange qui l'a écrit pour dit elle, oui. Parce que bon, c'est Marie-Ange. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner. C'est vrai, ça alterne les... Ouais. Un numéro par personne. Oui, donc un numéro que c'est Anthony qui l'écrit, son collègue de l'association de la sexologie. Mm-hmm. Et cette semaine, c'est Marie-Ange Perrault qui a écrit l'article et c'est vraiment à partir d'une expérience personnelle dont l'article est basé. Donc, ce qu'elle explique, c'est que là, elle a eu une relation, en fait, une rupture qui lui a fait perdre un peu l'illusion envers l'amour. Donc, elle explique l'éphémérité des relations parfois. Et ce qu'elle explique, c'est que l'épanouissement, ça vient justement quand on est sincère envers soi-même et qu'on entretient des relations sincères. Et c'est là qu'on peut justement... créer des liens qui sont épanouissants. Et non, ce n'est pas... C'est rare en 2016. Et non, ce n'est pas une erreur, c'est bien écrit Marie-Ange. Oui, c'est une fille qui a une relation avec une fille. Qu'est-ce que ça? T'as-tu un problème avec ça? C'est ça. C'est ça. Il y en a qui se demandent. T'sais. 2016, on Mathieu, 2016. Hein? Non. Ouais, mais non, il n'y a pas de problème. Puis ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'habituellement, Marie-Ange est très dans l'aspect scientifique de la chose. Donc, toujours dans plus au niveau théorique, plus au niveau de l'explication. Là, elle parle de quelque chose de très personnel et vraiment, ça vaut la peine parce que ça nous rejoint. Ouais. Tout le monde, lisez l'article, ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Par la suite, c'est l'article de Jean-François Veilleux qu'on peut retrouver où on parle de 10 choses à savoir sur les États-Unis. Oui, donc, en fait, vous savez que dans 2 semaines, on a le choix entre un clown et Hillary. Oh! Clown Hillary. Ah, Larry. Ah oui, clown. Hillary. Ah, okay. Hey boy, OK, je m'en vais. Au revoir. Oh non. Non, fais pas ce mime-là encore. Non, chaque semaine. Pas encore. Okay. Pas non, encore. Mais là, je m'en allais vers le mur de la honte. Okay. Oui, c'est ça. C'est pas pareil, là. Le mur de la honte qui nous sépare du Mexique. Oui, c'est ça, exactement, Mathieu. Donc, à ce moment-là, en fait, Jean-François Veilleux explique qu'en fait, à travers de 10 éléments, l'histoire des États-Unis, et ça lui permet de faire le lien entre la société des États-Unis d'aujourd'hui et son histoire. Ah, bon, intéressant ça. Ensuite, on va en art et spectacle avec la soirée Kino automnale, Kino 3R. Ça fait la couverture du journal. Oui. Et donc, cinéphile au rendez-vous. Oui, exactement, parce que le 3 octobre dernier, Kino 3R organisait une soirée de films d'horreur au Satire Cabaret. Et Kino 3R, qui a vraiment un parcours très intéressant à Trois-Rivières, ça fait quand même au moins une dizaine d'années que ça existe. Mais là, il y a eu quelques années de hiatus. Mais Kino 3R semble très, très actif depuis au moins 2 ans. Super ça. Le Festival international de poésie de Trois-Rivières, de la musique poétique et de la poésie musicale. Oui, parce que durant le Festival international de poésie de cette année, il y a eu une belle rencontre entre la poétesse franco-argentine Samantha Barentin et le groupe Tango Boréal. Hmm. La prochaine page, c'est celle qu'on aime le plus, c'est celle avec un gros popsicle pour les fonds de la solidarité FTQ. C'est notre chronique gastronomie, gastronomie syndicat. C'est un popsicle avec de la crème glacée dessus, et sur la crème glacée, il y a de la crème fouettée, et sur la crème fouettée, il y a une cerise. C'est incroyable. Toujours en art, l'art public, vous savez que les autobus de la STTR, certaines d'entre eux, ont des œuvres d'art affichées à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, et Marie-Christine Perras, dans son article « Quand l'art gruge l'espace de la publicité », eh bien, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, elle s'est attardée à l'autobus numéro 11 parce que les œuvres qui se retrouvent sur l'autobus et dans l'autobus, donc autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, eh bien, c'est l'œuvre de Valérie Morissette, une ancienne étudiante à l'UQTR. Et ce qui est le fun, c'est que cette année, non seulement il y a des espaces à l'intérieur où il y a des publicités d'habitude, l'extérieur, les panneaux publicitaires sont aussi des œuvres d'art et les œuvres d'art sortent du carcan de la publicité, donc viennent s'afficher dans les fenêtres aussi en vinyle, en décale, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment super beau. Ben oui. Ensuite de ça, toujours en art, le spectacle de Juste Robert au Zénob, Côtoyer l'automne. Oui, exactement. Donc Juste Robert, en fait, c'est l'artiste en art visuel Jean-Robert Drouillard qui a décidé de se lancer en musique. Et ça s'appelle Juste Robert, qui est son projet. Et là, le problème dans ce spectacle-là, c'est qu'il avait des problèmes de voix parce qu'il n'y avait plus de voix. Donc, ils interrompent un petit peu plus tôt que prévu le spectacle, mais c'est vrai que les gens ont quand même apprécié, ce qui montre le talent et la sincérité d'un artiste. Ouais, même s'il aurait pu faire le reste du spectacle en instrumental, mais bon! C'est pas la même chose. Ouais. Oui, les musiciens sont très importants, mais quand le chanteur... Le groupe s'appelle Juste Bob, quand même. Juste Robert. Juste Bob. Bob! Excusez-moi. En chronique maintenant, en arrêt spectacle, c'est la chronique d'une citoyenne du monde. Son titre est « Accords nus ». Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça parle? C'est qu'en fait, ça explique comment l'anatomie au cours de l'histoire a été utile autant en art qu'en médecine. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va être un bon prénom féminin, ça, anatomie? Ben, C'est pas une anatomie? Oh, la fille, elle s'appellerait Anna, trait d'union Tommy. Ah. Peut-être que ça existe, faudrait googler ça. Ouais. Et pour Attends, terminer... je mets sur le... Mets-toi là-dessus, là. Sur la recherche. Et finalement, un excellent jeu de mots hein, pour le nom de Ben que je ne connaissais pas encore, mon oui. doux seigneur, mais comme saigner, là. Oui, exactement. Pas « Oh, mon seigneur, Dieu, Saint-Esprit ». Faites mais pas c'est... cette erreur-là, surtout pas sur la une du journal, jusqu'à 6 ans pour qu'on puisse le changer à la dernière minute parce qu'on avait fait l'erreur sur la une. Donc, mon doux seigneur et Olivier Bellil en formule double au Z, le Zénoble. Oui, exactement. Donc, Olivier Bellil, qui fait partie du groupe Canaille, mais qui était tout seul avec sa guitare, qui a fait, en fait, qui a introduit la première partie du spectacle, qui a été succédé par la suite par le groupe Mondo Seigneur, qui offre une espèce de folk rock alternatif assez intéressant. On va pouvoir, d'ailleurs, l'écouter très bientôt. Génial. Tania, est-ce que tu as trouvé... Oui, en fait, mais j'essaie de voir si la vérité de la source est bonne, parce qu'en fait... Anna Tommy, tu sais, Anna, A-N-N-A, trait d'union Tommy. C'est ce que je voulais faire comme gag, ouais. Serait une des personnes qui a travaillé à la découverte de l'anatomie. Non. Hein? Mais non. Ouais. Je ne te crois pas. Fait que je suis vraiment en train d'essayer de vérifier si c'est véridique. C'est quoi, c'est ça? Ça paraît-tu dans The Onion? Ouais, c'est ça, genre. Mais il y a aussi des dessins animés, des figurines... qui s'appelle Anna trait d'union Tommy. Ben voyons, mais je suis un devin, mais arriéré. Et ça, c'est... le nom, en fait, ça joue comme dans une BD, je pense. Le personnage serait Crossmaster, mais ça dit là où ça fait mal. OK. Eh ben. Mais t'as vraiment beaucoup de sites Internet par rapport à ça. Wow! J'aurais jamais pensé. C'est un bonhomme roux. Je pense que c'est une fille. Voulez-vous que je vous fasse la description du bonhomme? Oui, ben oui. Okay. Oui. Anatomie a si bien étudié le corps humain qu'elle en connaît tous les points faibles. Très pratique pour venir à bout de ses adversaires, elle sait où se cogner pour se donner des forces. La philosophie de sa carrière a toujours été spéciale, mais elle l'a poussée à son paroxysme. Alors, si vous la voyez un jour se jeter sous un troupeau de bouffetous enragés, ne vous inquiétez pas, elle fait seulement un peu d'exercice. C'est comme dans un jeu vidéo. OK. C'est un bonhomme de jeu vidéo. Puis là, elle connaît l'anatomie de A à Z, faut croire. Étrange. Donc, ça, c'était en art et spectacle. C'est un jeu, ça s'appelle Crossmaster. Crossmaster? Crossmaster. David, dans les spécialistes, il fait du crossfit, hein? C'est ça? Mais c'est écrit avec un K. Ah, OK. Non, c'est pas pareil. Non, ça c'est comme criss-cross dans les années 90. Ah oui, c'est quoi? Mathieu, je suis sûr que t'aimerais ça. Les bonhommes sont quand même cool. Ah oui, ben mets ça sur Facebook, voir. T'as des Crossmasters gratuits de la semaine. Hein? On est rendu à saison 4. Puis t'as des concours. C'est comme un site internet, en fait, c'est www.crossmasters.com/fr. Si jamais vous voulez aller voir, vous faites jouer aussi sur en ligne. Donc voilà pour les arts et spectacles. C'est c'est ce qui relie Anna, Tommy. À tout ça. Est-ce qu'on va en sport? On pourrait très bien. On en a déjà parlé, mais on parle pas nécessairement des mêmes choses que non. Moi, j'ai discuté tout à l'heure dans Sport et Flushé. Alors, Vincent Boisvert nous fait un petit peu le compte-rendu des premiers matchs de la saison à domicile des Patriotes UQTR. Oui, exactement. Pour le premier match, ça s'est très bien été parce que les Pats ont gagné 7-2 contre l'équipe des GGs de l'Université Ottawa. Mm-hmm. L'Université d'Ottawa, pardon. Donc, devant 120 personnes comblées. C'est vrai. Il y avait vraiment beaucoup de gens pour un match des Patriotes. Puis c'est vraiment bien. Puis le deuxième match, par contre, ça s'est moins bien passé. Ils ont perdu... en fait, les Patriotes ont perdu face à l'Université Carleton. Mm-hmm. Ça, c'est le match qui a eu lieu deux jours après. C'est vrai, c'était une défaite difficile. Mais il y a Étienne Campeau qui nous parle du 9e méga-marathon des étudiants en médecine de la Mauricie. Oui, exactement, parce que la cinquantaine d'étudiants, et pas seulement des étudiants dans le domaine, mais aussi d'autres personnes qui voulaient participer au marathon, ont parcouru 150 km. Ça veut dire entre la faculté de médecine de l'Université de Montréal et le campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Donc, ils ont parcouru 150 km pour pouvoir, en fait, amasser 4 600 $ pour la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières. Oh, quand même, c'est très bon bien. Travail, oui. Félicitations. Les équipes féminines et masculines en soccer, week-end en dents de scie pour nos Patriotes. Oui, parce que du côté, en fait, ça a eu lieu entre le 14 octobre et le 16 octobre pour autant les patriotes féminines que pour les patriotes masculins. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pour du côté de l'équipe féminine, c'est qu'il y a eu une défaite de 2-0 contre l'équipe des Mountaineers de l'Université McGill. Mais après ça, la journée d'après, là, c'est une victoire pour les Patriots face aux Stingers de l'Université Concordia. Du côté du soccer masculin, c'est un peu plus compliqué parce que les Patriots ont fait match nul face aux Redmen de l'Université McGill. Mais après ça, là, les Patriots ont par contre perdu... par la marque de 3-1 contre les Stingers de l'Université Concordia. Oui, quelle défaite, ça avait fait mal. Mais on est quand même toujours premier au classement présentement. Oui, on l'a dit. On parle du club plein air UQTR. Plusieurs nouveautés au programme. Oui, par exemple, il y a une activité qui s'est tenue récemment, c'est une activité de slackline. C'est quoi de la slackline? C'est en fait une élastique que tu mets entre deux extrémités et le but, c'est en fait un peu du funambulisme. Oui, c'est ça, pas mal. Mais c'est juste... Mais à même pas ça, tu fais pas ça après trois bières. Hein? Ah! C'est... Ils font le jour, ils font bien. Puis tu tournes 10 fois sur toi-même avant. Exactement. Ah. Donc, le slackline... paraîtrait que ça a été un beau succès, plus il y a eu plus de monde que prévu. Oui, habituellement, il y a beaucoup de monde qui vont là. C'est sur le campus, sur le terrain, on le voit très bien qu'ils sont là, donc on peut se présenter là sans problème. Avez-vous déjà tapé ça sur YouTube? Slackline, non? Oui, c'est impressionnant ce que les gens font là-dessus. Là. Des culbutes. C'est pas large, là, cette chose. C'est comme un fil de fer. C'est un peu, oui. Oui, un peu pareil. Profil de joueur aussi, on parle de Chloé Gervais-Pépin, une passionnée de course qui était une de nos patriotes la semaine dernière. Oui, exactement, parce que Chloé Gervais-Pépin, depuis le cégep, s'illustre en cross-country et c'était en fait une étudiante qui est ici justement au cégep de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, mais qui a décidé en fait pour étudier en chiropratie, puisque heureusement en chiropratie, il y a juste le critère qu'il donne parmi toutes les universités francophones. Donc, l'équipe des Patriotes au cross-country est vraiment très chanceuse d'avoir Chloé dans ses rangs. Avouez-le que Chloé Gervais-Pépin sonnerait mieux si c'était Pépin-Gervais. Pas nécessairement, non. Non? Pépin-Gervais. Je sais pas, parce que... Pépin-Germain, ça sonnerait mieux. Faudrait changer son nom. Ben oui, demande-donc voir. T'appellerais ses parents. Ben oui. On parle justement, entre autres, de cross-country, David, avec l'équipe des Patriotes qui était au Nouveau-Brunswick. On parle de la constance chez les athlètes de l'UQTR. Oui, exactement. Donc, les athlètes, c'est quand même du beau niveau qu'on a quand même à l'UQTR. Et c'est un match qui a eu lieu le 15 octobre, justement, à Fredericton. C'est pas le match, en fait, c'est pas la compétition canadienne du cross-country, c'est pas encore le cas. C'est un match, ben, je dirais pas amical, mais c'est durant la saison régulière. Et chez les femmes, en fait, sur 144 athlètes féminines, nos patriotes à nous se sont classés entre la 50e et la 100e place. C'est quand même très bien parce que ça fait pas tant que ça longtemps que l'équipe des cross-country à l'UQTR a été mise sur pied. Ça fait peut-être 5-6 ans. Donc, c'est quand même une jeune équipe, même si on a du très bon niveau. Puis deux coachs excellents. En fait, c'est mes anciens coachs. Je parle par... Voilà. Ah, ben oui, je parle par... Tétage. Ben oui. Tétage, mais ça, puis en plus, ça lui apporte absolument rien parce qu'il est plus... Non. C'est pas vrai. Je suis un has-been, je suis un athlète has-been. C'est ça. Mais du côté des gars, en fait, un des athlètes qui s'est classé dans le top 30 dans la compétition qui a eu lieu à Fredericton, et c'est Marc-Antoine Senneville, qui d'ailleurs a été élu patriote masculin de la semaine du 16 octobre. Ah, donc, bon. Il a tenu un top 30 dans cette course-là. Mais c'est magnifique. Félicitations. Oui. Voici ça tout. Venait faire le wrap-up des sports. Bidibop, c'est fini pour le sport et pour les autres sections aussi. Retrouvez le Zone Campus en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui, donc le 25 octobre et jusqu'au 7 novembre 2016. C'est le numéro 3 de la session et ça sort tous les deux mardis. Mm-hmm. Oui. Sur le campus et bien sûr dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Comme le dit si bien la publicité. Oui, pas dans ces mots-là, exactement. On se retrouve toutes les semaines pour la chronique de David Ferron. Donc, une semaine sur deux, le Zone Campus, l'autre semaine, une découverte musicale. Et cette semaine, on fait un genre de mash-up parce qu'on te laisse passer, on a le temps aujourd'hui, 3 pièces. Oui, pas hein. Une, pas deux, 3 pièces. Yay! Yeah! En fait, ça... Toutes les pièces ont un lien avec le Zone Campus. Arrête-moi dans ça. Ben oui, parce que c'est toutes des artistes qu'on a parlé tout à l'heure. Ah! Ben oui. T'es dans ma fin. Ben oui, je pense à ça. Je suis conceptuel, moi. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre dans quel ordre? D'abord, on va entendre le groupe Mondou Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Ouais. avec la pièce Le Courant. Ensuite, ça va être Juste Robert avec la pièce Golden Storm. Et pour terminer ce beau trio, Tango Boreal avec Pampa Blues. Pampa Blues, mais oui. On commence avec Mon Doux Seigneur, voici Le Courant à Assemblage Rue. Merci David. Bienvenue, merci à vous deux. Des fois j'aimerais mieux me vendre que voir en vrai la fin du monde. Ils me l'ont dit dans le vidéo. Imagine si j'avais pas le avec le sourire, je lui racontais ma vie, je lui dessinais des autoportraits noirs sur blanc, le rouge orangé de ses cigarettes, le bleu et le vert par la fenêtre ouverte, des chansons en anglais. I'll kiss you deep and warm. c'était Tango Boréal avec Pampa Blues, précédé de Juste Robert avec Golden Storm. Et on a débuté le bloc avec Le Courant par Mon Doux Seigneur. C'était dans la chronique du Zone Campus avec David Ferron à Assemblage Requis. On revient juste après la pause. Oh à oui. Requis. Oh oui. Assemblage Requis. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage requis. C'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. En ce mardi 25 octobre 2016, elle est Tania Beautin. Et Mathieu Plante. Que dirais-tu avant de continuer avec la chronique Les Instructions d'Assemblage, qu'on s'écoute quelques petites nouvelles du campus? Vas-y donc. Ben oui, c'est l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Vous connaissez une personne diplômée universitaire qui se démarque? Il est possible de soumettre une candidature pour le Gala des Pythagores ayant lieu au printemps 2017. Parmi les critères d'éligibilité, l'accomplissement professionnel, le bénévolat, le rayonnement de ses réalisations, les reconnaissances reçues et être diplômé de l'UQTR. Pour soumettre une candidature, uqtr.ca/pythagore. Le dépôt des candidatures est le 1er décembre. Lors de la semaine de travaux et d'études du 24 au 28 octobre prochain, la navette entre le campus et le stationnement alternatif près du Ludoplex est interrompue. Par contre, les stationnements du campus sont gratuits durant la semaine. Pour les étudiants et étudiantes créatifs ayant du talent et de la créativité, le concours de la page couverture de l'agenda AGE-UQTR 2017-2018 est tout désigné. La page couverture gagnante sera visible sur plus de 6000 agendas. Des prix de 75 à 300 $ seront offerts aux trois meilleures soumissions. Tous les détails sont disponibles sur ageuqtr.org dans la section Nouvelles de l'onglet AGE. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Depuis, il est possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore. La Coopsco Trois-Rivières organise un concours le 31 octobre prochain. Il suffit de vous présenter à la librairie et de remplir un coupon de participation. Une paire de billets sera tirée pour une visite à la vieille prison. Bonne chance! C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était l'Info Campus, écrit par David Ferron, journal Zone Campus, lu par Tania Beaudin d'Assemblage Requis. Toujours un privilège de vous faire jouer ce petit bulletin de nouvelles deux fois par jour dans Assemblage Requis ainsi que sur l'heure du midi. C'est même assez fou. Ah, maintenant, c'est le moment de savoir quoi faire, comment le faire, dans quel ordre le faire. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ah, il fallait écouter la chronique Les Instructions d'Assemblage pour savoir comment ça fonctionne, Tania. Donc, je vais essayer de t'aider le plus possible dans ta vie. D'accord. Question de t'améliorer le processus. Ah, c'est si gentil. C'est tellement le fun de ma part. Merci. Commençons merci. Par iOS 10. T'as sûrement remarqué sur ton iPhone, lequel tu tiens entre les mains en ce moment, oui, en textant, j'imagine, quelqu'un ou en snapchatant. T'as... Je texte absolument personne. Non, qu'est-ce que ça? Je regarde des photos. Je veux la voir. Tu la caches, je veux voir. C'est quoi? C'est un bébé. OK. Un bébé. OK, il a juste l'air de s'emmerder, ou? Ouais. Eh ben, t'envoies des drôles de choses, toi. J'envoie ça à personne. Donc, dans iOS 10, je sais pas si t'as remarqué, mais tu peux voir plein de choses sur ton écran d'accueil. Quand ton téléphone est barré, tu peux aller voir, bon, oui. Tu peux aller voir des nouvelles, tu peux aller voir la météo, mais il y en a qui vont afficher leur courriel. En slidant par la droite. Par la droite, mais dans le fond, pour voir l'écran de gauche. Exactement. De ton téléphone, mais oui, tu glisses ton doigt vers la droite. Des fois, quelqu'un pourrait prendre ton téléphone sans l'avoir débarré et va pouvoir lire tes courriels ou en tout cas voir le preview de tes messages sur Messenger. Ils pourront pas les ouvrir parce qu'ils ont pas ton empreinte digitale, mais ils vont pouvoir voir le début. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, tu peux maintenant désactiver, tu peux en général désactiver les widgets sur iOS 10 sur l'écran verrouillé. Oui, c'est vraiment intelligent en passant. Ce serait une très bonne idée, en fait. Faites-le vraiment, parce qu'en tant que tel... Oui, il y a juste les nouvelles puis la météo. Ouais, ben moi, je trouve que même quand je suis sur mon écran déverrouillé, j'aime quasiment pas ça, pouvoir avoir ces widgets-là, parce que quand je le sors de ma poche, je vais m'enfarger dedans, puis là, oui. Je vois pas mon heure. Ben, tu sais, je vois mon heure dans le coin, mais je veux pas voir ça tout de suite. T'as raison. Bref, je le désactive en allant en paramètres. Tu vas dans Touch ID et mot de passe, et tu décoches la vue aujourd'hui et la vue de notification. Donc, dans réglages, hein, tu vas dans Touch ID et code, c'est vers le milieu, tu rentres ton code, blablabla, et là, tu as utilisé Touch ID pour, il y a trois options, déverrouiller l'iPhone, Apple Pay et iTunes Store et App Store. Donc, tu décoches, tu vas un petit peu plus bas, dans le autoriser l'accès en mode verrouillé. La vue aujourd'hui, tu peux décocher. Affichage de notification, tu pourrais décocher Siri et plein d'autres affaires comme ça. Donc, c'est vers le bas de cette page-là, Touch ID et code, si ça vous intéresse, tant qu'à être là. Il y a aussi de désactiver, répondre à des messages dans la même option, parce que les gens, avec une fois que tu as un message qui apparaît dans ta vue de notification, si tu appuies très fortement avec un iPhone 6, ouais. S, 6S Plus, 7 ou 7 Plus, donc ceux qui ont... C'est finalement tout sauf le mien. Ouais, ben, tout à partir de la précédente génération. Mm-hmm. Tu peux appuyer fort sur un message pour popper une réponse, pour pouvoir écrire sans avoir à déverrouiller le téléphone. Ah, ouais. Donc les gens pourraient répondre à des messages même sans leur empreinte digitale, parce que tu as juste besoin d'appuyer sur l'écran en tant que tel. C'est merveilleux. Ils ne demandent pas ton doigt. Donc désactivez ça si vous voulez pas que quelqu'un réponde à des messages de votre part. Ensuite, on nous dit que t'as beaucoup plus de chances de faire des erreurs d'écriture tard le soir. Si on calcule... Ouais, j'en doute pas. Donc, que ce soit de rattraper vos courriels, travailler sur un roman, peu importe, tôt le matin et tard le soir, c'est là que les gens vont commencer à taper sur leur clavier parce que c'est le moment où on est le moins occupé, on n'a pas de travail à faire. Mais si tu peux t'en empêcher, tu devrais sauter tes sessions de fin de soirée et peut-être te sauver de quelques erreurs embarrassantes, quelques fautes de frappe. Selon les données de Grammarly, c'est un système pour vérifier les fautes en anglais, les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Les gens qui se lèvent le matin ont de moins bonnes chances de faire ces erreurs-là. Donc, Grammarly a analysé plus de 1 milliard d'erreurs qui ont été ramassées par cet outil-là. Et l'heure à laquelle ces erreurs-là ont eu lieu, ils nous apprennent donc que ceux qui écrivaient tôt le matin entre 4h et 8h faisaient beaucoup moins d'erreurs d'épellation, de grammaire et de ponctuation que ceux qui écrivaient tard le soir entre 22h et 2h du matin. Ils nous apprennent aussi que les écrivains faisaient moins d'erreurs après l'heure du dîner, donc entre 13h et 17h. Et en plus de ça, leurs données suggèrent que les mots mal épelés sont les erreurs les plus communes lorsqu'ils écrivent des courriels. C'est plus de la moitié de toutes les erreurs de courriel, ce sont donc des fautes, des mots mal épelés. Donc, si vous êtes pour écrire, vous devriez le faire tôt le matin. Si vous êtes pour écrire le soir, au pire, faites juste vous corriger le matin à la place. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Ensuite, vous ne devriez pas prendre l'anxiété des autres volontairement si vous pouvez l'éviter. Là, ça a l'air bien simple. OK, ben t'as juste pas à prendre tout sur ton dos. Mais des fois, c'est plus difficile à faire qu'à dire. C'est ça, ouais. Donc, t'as assez de choses qui se passent dans ta vie, que ce soit les factures, ton travail, relations et tes insécurités-là. Ces insécurités-là, oui, te rendent anxieux. Donc, tu devrais pas empirer ton anxiété en prenant les anxiétés des autres qui essaient de te domper sur la face. Le designer Mike Montero explique sur Dear Design Student que l'anxiété est conductive. Donc, si quelqu'un est anxieux au sujet d'un problème, ils vont vouloir que quelqu'un d'autre fasse partie de leur problème. Si je suis pour couler, tout le monde doit couler en même temps. Hein? OK, ouais. Donc, partager l'angoisse ou l'anxiété va valider cette sensation, cette impression-là et va aider à cette personne-là à décharger leur fardeau sur vous. Par exemple, si votre client est stressé par rapport à une date limite, une deadline, il pourrait peut-être vouloir passer ce stress-là à toi. Pour ça, eux autres s'enlever un petit poids. Mais c'est pas un peu... Tu fais sans t'en rendre compte, en fait. Innocent? Ouais, mais tu t'en rends pas compte que tu le fais. OK. C'est juste genre, tu partages ton stress en te disant, bon, ça va me soulager de le partager. Bref, si ça te fait capoter toi aussi, tu vas le prioriser un petit peu plus que ça et tu vas les aider à se sentir mieux, sauf que ça va transférer l'anxiété vers vous et ça va pas mener à de la bonne productivité. Voilà. Évidemment, comme on dit dans l'article, l'anxiété, c'est pas une switch qu'on peut juste mettre à off. La raison que l'anxiété aime se transférer d'une personne à une autre est parce que c'est vraiment efficace. Si quelqu'un avec qui tu travailles panique, c'est facile pour toi de t'emporter là-dedans. Par contre, tu peux te rappeler à toi-même que ton anxiété à toi appartient à quelque... L'anxiété que tu viens de prendre appartient à quelqu'un d'autre, donc c'est correct de la laisser aller et simplement focusser sur tes propres problèmes pour réduire ton anxiété ou ton angoisse. Voilà. Mmh. On parle d'économie maintenant. Si t'es pas capable de démarrer un fonds d'urgence, tu devrais te partir un petit pot à change, un pot à monnaie. C'est toujours une bonne idée d'avoir un buffer financier. Là, on dit souvent l'équivalent de 2 mois de salaire. Je crois que c'est 2 mois, il me semble, en banque pour les imprévus, bien sûr. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein? Mmh. Donc, si t'as de la difficulté à mettre de l'argent de côté comme un fonds d'urgence, tu devrais commencer plus petit avec un pot à monnaie. Donc, c'est le site de finances personnelles, oui, Enemy of Debt, qui nous explique que le pot de monnaie est une des façons les plus faciles d'économiser sans faire mal à votre budget. Donc, t'es peut-être capable de mettre, bon, quelques centaines de piastres dans un compte d'économie, mais des fois, ça peut être plus facile de juste mettre 5$ dans un pot ou mettre quelques pièces de monnaie. Donc, à chaque fois que tu paies pour quelque chose avec de l'argent, tu prends le reste de ta monnaie et tu le mets dans un pot. Il y a des comptes en banque qui permettent de faire ça. Je me rappelle pas si c'est Tangerine. Je pense que oui. Ceux qu'on peut pas déposer de l'argent à leur guichet, là, malheureusement, mm-hmm. c'est leur seul défaut, je trouve. Mais Tangerine, il me semble que c'est eux. Quand tu fais une dépense, mettons, de 3,48$, ben, tu peux lui dire, mets-moi les 52 cents qui vont jusqu'à 4$ dans mon compte d'économie. Ce qui est vraiment la meilleure façon d'économiser sans t'en rendre compte. Donc, c'est la même chose, mais avec un pot d'argent. Tu vas te construire un buffer. Ça pourrait peut-être ne pas être 6 mois de dépense, 2 mois de dépense, 3 mois de dépense, peu importe comme on vous suggère, mais au moins, ça va être un petit début. Enemy of Debt qui offre aussi quelques petits conseils par rapport à votre pot de monnaie. Pour commencer, on dit de prendre quelque chose d'opaque pour ne pas voir la quantité de pièces de monnaie que tu as accumulées parce que tu pourrais avoir la tentation de la dépenser. Ah, ouais. Tu sais, d'un côté, tu pourrais dire, bon, ben, de voir un pot avec de l'argent dedans, ça va me faire dire, j'ai économisé. Oui. Mais de l'autre côté, tu vas dire, ah, ben, je peux bien prendre un petit 3$ aujourd'hui et me payer un café. C'est pas super grave, j'ai pas de monnaie pour le type aujourd'hui. Je vais m'enlever 3, 4, 25 cents dedans pour payer le type. Mm-hmm. Ça va faire descendre ton pot. That's not good. Donc, l'idée est peut-être pas de réparer vos problèmes financiers d'un coup sec, mais au moins de commencer à prendre l'habitude d'économiser. Ensuite, ouais. Deux conseils pour ceux qui veulent vendre des meubles en ligne. Ça fait littéralement, c'est-à-dire depuis le mois de juillet que j'essaie de vendre un fauteuil sur Kijiji. C'est vrai, tu me disais ça l'autre jour. Et sur Facebook, j'ai pas encore réussi. Là, je pense à mettre peut-être mon divan au complet puis en acheter un autre. Mais justement, on a besoin de savoir quelle sorte de photo on doit prendre. Quand tu vends de vieux meubles, une bonne photo va non seulement aider à le vendre plus rapidement, mais ça va probablement le vendre pour plus d'argent. Donc, ce sont deux trucs de pro des meubles. On commence par Anne Doherty, propriétaire de Annie's Attic à Chicago, dans l'Illinois, qui dit à Mental Floss que... En fait, elle nous donne un conseil qu'on devrait prendre en compte pour toutes les photos, pas juste les photos de vente de meubles, mais d'utiliser une bonne lumière. T'as pas besoin d'avoir un studio ou rien, mais il faut quand même que tu passes à autre chose par rapport à ta lumière vraiment pas éclairée. T'sais, des fois, tu vas prendre tes photos pour Kijiji tard le soir, alors que t'as juste une ampoule ou deux au plafond pour éclairer, puis c'est jaune. C'est pas très très beau, ou avec un flash, c'est pas bien beau. Donc, on vous dit, là, c'est si vous êtes capable de le faire, évidemment, d'amener votre meuble à l'extérieur et de prendre une lumière naturelle pour capturer la vraie couleur du tissu et éviter les ombrages. Si vous êtes à l'intérieur, je vous dirais de prendre les photos de jour et peut-être même avec un diffuseur de lumière si vous êtes capable de trouver ça. C'est aussi important de montrer l'échelle. Que veut dire l'échelle? Ben, c'est Dana Winter, qui est content marketer chez Shopify, qui nous dit qu'il faut montrer la vraie grandeur du meuble. Les dimensions vont aider les gens à s'imaginer le meuble dans leur maison, dans leur appartement. Donc, vous pourriez mettre quelque chose à côté pour montrer la relation entre les deux articles. Par exemple, je sais pas, tu pourrais mettre une chaise de bureau, qui est habituellement un standard pas mal. À côté, tu pourrais mettre, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tu pourrais mettre une bibliothèque à côté de ton meuble. Sofa. Tu pourrais mettre ton chat. Effectivement, les chats, c'est pas mal un classique. Donc, une photo bien éclairée avec une échelle. Je savais que t'allais dire ça. Donc, ça pourrait vous aider à vendre votre meuble et le vendre plus cher. Ensuite, est-ce que t'as de la misère des fois à faire ton ménage? Est-ce que tu fais la vaisselle chez vous? Ben, ça dépend. Donc, pour commencer à faire du ménage un petit peu plus facilement, il nous faut une règle pour nous motiver, ça s'appelle la règle des 10 choses. Oui, ça s'appelle aussi le temps. Aussi, mais justement, ça pourrait t'aider par rapport au temps. Donc, les choses, quand tu manques de motivation, quand tu manques de temps, ça peut être difficile de commencer à faire le ménage. Donc, c'est un truc mental qui va changer votre session de ménage en une folie furieuse de ménage tellement productive. Donc, commencer est l'idée de la chose. Des fois, tu vois les choses comme une montagne. Commencer est déjà la première étape. C'est sur Apartment Therapy, Bad C 1980, qui nous trouve donc une liste de 10 choses à faire pour nettoyer. La prémisse est simple, donc commencer à ramasser les choses, plier les vêtements, serrer la vaisselle, organiser les choses autour de toi, que tu sois occupé des 10 premières choses que tu vois à la vue d'œil. C'est sans savoir le système que j'utilise moi aussi. Donc, t'as pas besoin de rien prioriser ou de faire de liste. T'as juste à voir 10 choses autour de toi et les serrer. Mettons, genre, comme moi, ce serait peut-être genre les bossales. Ah, OK. J'ai les poubelles. J'ai ramassé tous les vêtements pour faire le lavage. J'ai ramené la vaisselle proche du lavabo. Tu sais, toutes les choses, les 10 choses comme ça. Donc, tu vas faire un petit peu de progrès en te disant « J'ai besoin de 10 choses que je vois présentement. » T'as pas la liste à cocher, genre faire le lavage. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ce que tu vois autour de toi. Ping, ping, ping, ping, ping. Et on y va comme ça. Moi, je trouve que c'est un très bon système. Ce serait bien. Ouais. Ensuite, le contexte de ton travail pour résister aux distractions. Oh boy. Tu sais, des fois, on a des distractions au bureau. Ouais. Souvent, dans notre cas, c'est David Ferron qui vient chercher des affaires. Ou le café. Ou le café, un des deux. Donc, ton cerveau aime ça sauter d'une tâche à une autre lorsque les choses commencent à être difficiles. Les distractions sont donc multiples au bureau. Si tu veux résister à la perte du focus, il faut contrôler le contexte autour de toi quand tu travailles. Moins tu as d'opportunités à te distraire, mieux c'est. Donc, c'est le site de conseil Barking Up the Wrong Tree qui nous explique que votre cerveau est donc distrait par ce qui est proche à ce moment-là. Donc, que ce soit un onglet Facebook ouvert, mm-hmm. un collègue de travail qui parle beaucoup, ou quelque chose d'autre sur la liste des choses à faire. Un collègue qui parle beaucoup. Un collègue qui parle beaucoup, je sais pas si c'est amusant. Donc, vous pouvez essayer de résister à la distraction en ayant un meilleur contrôle de vous-même, mais c'est encore mieux d'enlever vos distractions de votre espace de travail. Évidemment, il y a des choses qui sont difficiles à enlever, comme des collègues. Là, c'est donc, ton cerveau... T'essaies-tu de passer un message subtil? Absolument pas, il est pas subtil, je le dis en pleine face. Donc, ton cerveau est fait pour réagir à son environnement. Donc, c'est normal que les choses autour de toi te distraient. Si t'essaies de faire quelque chose, il faut soit te créer une bulle, mm-hmm. soit porter des écouteurs, soit mettre un paravent, soit changer de bureau complètement dans une autre pièce, mettre deux bureaux différents en place d'un seul bureau en L où tu te pognes les coudes quand tu recules ta chaise. Moi, je fais ça. Je mets des écouteurs. Oui, ben tout le monde fait ça au bureau. Un espace ouvert, c'est... je pense que c'est nécessaire parce que sinon, la productivité... Voyons. En tout cas, tu sais quoi? Est nulle. C'est ça l'affaire, c'est que les patrons pensent que les espaces ouverts sont une bonne chose parce que les gens vont travailler ensemble, mais ça fait que personne travaille parce que ça fait juste jacasser. Ben, ça dépend parce que si tu mets tes écouteurs, tu tombes un peu comme dans ta bulle. Oui, c'est ça. Sauf qu'en même temps, ça fait un petit peu à l'encontre de l'idée d'une aire ouverte et ça fait que quand les gens viennent te voir au bureau, les gens ont l'impression que tout le monde fait juste écouter de la musique. C'est vrai. Mais en même temps, faut se foutre un peu de ce que les gens pensent. Moi, c'est ma philosophie de vie. Si les gens pensent que je suis en train d'écouter de la musique au lieu de travailler, ben c'est eux autres les pires, parce qu'en tant que tel, t'es qui, toi, pour me juger? Non, mais t'es de toute façon, qui te dit que t'as pas le droit d'écouter de la musique? Exactement. Maintenant, ça, c'est ça vraiment... Ça dépend où vous travaillez, là. On s'entend. Évidemment, évidemment. Maintenant, on parle d'un service pour identifier les symboles inconnus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un symbole que tu savais pas ce qu'il voulait dire, comme, mettons, une fourche avec une barre diagonale? Ah, non. Tu sais, mettons, c'est comme un E, mais mettons, imagine un C ouais. avec une ligne dans le milieu, ça fait comme un genre de E fourche. Pas si d'euro. Non, c'est pas euro. Et avec une barre en diagonale vers l'avant. Je l'ai déjà vu, mais je ne pourrais te dire. Ça veut dire n'est pas un élément de. Oh, ah ouais. ouais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire un O avec une barre oblique vers l'avant? Ça veut dire ne pas. Ça veut dire un ensemble vide. Attends, un O avec une barre devant. Une barre vers une barre oblique vers l'avant. OK. Ça, c'est la barre oblique qui est par la droite, genre. Ah, ok, non, je savais pas qu'il y avait une différence entre ça et ça. Exactement. Donc, bref, ça s'appelle Mouser, M-A-U-S-R. C'est un site web. Si vous avez trouvé un symbole que vous ne connaissez pas et que vous voulez chercher l'unicode, donc le symbole, le code pour le mettre sur une page web, ou peut-être juste savoir sa définition, ça peut être difficile de le chercher parce que tu peux pas écrire sur Google fourché avec une barre oblique vers l'avant. Non, c'est vrai. Ça va probablement pas être trouvé. Donc, Mouser vous permet de dessiner le symbole. Oh. Et ça va l'identifier basé sur votre dessin. Donc, c'est un logiciel web source libre qui permet de dessiner avec votre souris ou votre trackpad pour chercher un symbole. Pas besoin de l'écrire en un seul... Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Une fois que t'as ouais, c'est ça. T'as pas besoin de laisser ta souris en cliquant. Tu peux juste, tu peux faire une affaire, puis après ça faire une autre affaire en soulevant ta souris entre les deux. Bref, une fois que t'as soumis ton dessin, Mansur va te donner plusieurs options par rapport à qu'est-ce que ça pourrait être ce symbole-là. Donc Mansur, ça veut dire Marex Unicode Symbols Recognizer. Ça a été créé par cet homme-là parce qu'il était frustré par les symboles Unicode sur Google. Il trouvait jamais sa réponse. Et donc il y a plus de 100 symboles dans la base de données. Tu peux vérifier ça. Vérifier si tes symboles préférés sont dedans sur mausr.com. Ensuite, on essaie de persuader les gens en utilisant des phrases comme « Tu vas probablement refuser, mais... » entre guillemets, OK? C'est vrai? Les gens aiment pas être poussés dans un coin, nous dit lifehacker.com. C'est vrai. Même si tu fais une demande très très simple, une étude récente nous suggère que si tu veux que les gens accomplissent ce que tu demandes, tu devrais leur donner une liberté de décision. Donc, l'étude était menée par Nicholas Guggen, publiée dans le Polish Psychological Bulletin, suggère que faire tes phrases d'une certaine façon peut forcer les gens, presque sans savoir, à les suivre. Donc, dans l'étude, les gens avaient plus de chances de donner de l'argent quand la phrase était... Vous non, probablement... dis pas ça. Ouais. J'ai emprunté de l'argent à quelqu'un, mais pas non, c'est rien. Tu vas probablement dire non, mais... Tu vas probablement refuser, mais... selon Guggen, débuter une phrase, une requête avec cette phrase-là peut être similaire, ou une phrase similaire comme « t'es pas obligé de le faire, mais » donne aux gens l'impression d'avoir une liberté par rapport à la réponse. Donc, ça leur donne une porte de sortie, tu sais. La liberté de choisir ou de choisir de ne pas le faire. Voilà. Maintenant, ça devient leur idée, ce n'est pas une requête qui les restreint dans leur choix. Cool, hein? Bonne idée. Ouais, pas pire. Tu sais, ça, moi, je trouvais ça intéressant. Là. C'est par rapport à la durée des transactions sur les cartes de crédit. On se demande souvent pourquoi ça prend autant de temps avant de passer. Comme, mettons, tu te fais rembourser quelque chose. Ouais, ça prend plusieurs jours. Ou, mettons, tu vas faire un paiement sur ta carte de crédit qui était bloquée. Combien de temps ça prend avant que ce soit débloqué, t'sais? Donc, quand tu glisses ta carte de crédit ou ta puce ou le PayPass ou peu importe au magasin, tu penses que ta transaction se fait instantanément. Ouais. Moi, je me dis, c'est de l'argent électronique. C'est genre une feuille Excel. Je veux dire, c'est bol. Ouais. Passer de mon compte à l'autre affaire. Oui, Mais non. Si tu t'es déjà demandé donc comment ça fait que ça prend autant de temps, c'est à cause d'un long processus très très compliqué derrière le rideau. Donc c'est le service de finances personnelles Money Crashers qui nous explique que la partie de la transaction de carte de crédit dans laquelle tu participes toi n'est que la première phase d'un très long processus qui se passe entre le marchand avec qui tu magasines et la personne ou la compagnie, l'entité qui te donne ta carte. Ça s'appelle l'autorisation. Hein? Et c'est pas super simple. En fait, le processus d'autorisation, en fait, tu vas te jeter à terre. OK, vas-y. Par rapport au nombre d'étapes. Donc, c'est premièrement l'autorisation confirmer que l'acheteur a assez d'argent sur sa carte de crédit. Ça, je pense que ça, c'est quand même assez simple. Qu'il a assez de place, donc de lousse, avant d'atteindre sa limite de crédit. Ça réduit le risque que les marchands... dans le fond, donne des biens alors que le client n'a pas l'argent pour le payer. Ça, je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Donc, étape numéro première. Hein? Oui. Le client fournit ses informations de carte au marchand, que ce soit en swipant, glissant, puissant, paypassant, peu importe, ou en fournissant les chiffres en ligne ou au téléphone. Étape numéro 2, le terminal de paiement du marchand va électroniquement envoyer le numéro de carte, le montant de la transaction et le numéro de marchand à la compagnie. OK. Numéro 3, la compagnie va router l'information à la banque qui s'occupe de la carte de crédit. C'est donc une requête d'autorisation de transaction pour le montant spécifié. Ça, c'est l'étape numéro 3. Numéro 4, la banque qui t'a donné la carte de crédit vérifie que le client a assez de fonds dans son crédit. Vérifie les drapeaux rouges qu'on appelle, par exemple, que ce serait une transaction simultanément dans deux endroits différents de la même carte. Donc, ça pourrait indiquer que c'est une fraude. Numéro 5, si les fonds sont suffisants ou le crédit est présent et que la transaction n'a pas l'air d'être une fraude, la banque va envoyer... la compagnie de la carte de crédit va envoyer un code d'autorisation via le réseau jusqu'à la compagnie de carte de crédit. Donc, ça, c'est la compagnie... et ça peut être une banque qui peut être différente de la compagnie de carte de crédit. Là, bon. Numéro 6... La compagnie va autoriser la transaction et va en informer le marchand. Et numéro 7, le marchand va fournir le produit qui est demandé au client. Donc, il y a 7 étapes entre passer ta carte et puis avoir ton partir billet. Avec... C'est quelque chose, hein? Donc l'autorisation confirme que le client a assez de fonds, non seulement ça... Mais ça, quand t'achètes quelque chose, ça se fait automatique? Ça se fait par le processus qui a été décrit automatiquement, ça, dans le sens que ça passe étape par étape. C'est pas un humain qui va, qui va faire ça. On s'entend. Donc tout ça arrive en presque un instant. Il y a aussi ce qu'on appelle le batching et le clearing qui sont plus compliqués. Dans la phase du batching, les marchands vont mettre toutes les informations de la carte de crédit de la journée et vont livrer ça au réseau à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que des fois la transaction va pas apparaître sur ton compte instantanément. Donc le batching, c'est que tout le monde en même temps, toutes les transactions sont emmagasinées et à la fin de la journée on dompe ça. Donc ça c'est le niveau aussi où les frais sont déboursés. Les compagnies qui te permettent de payer par carte de crédit doivent payer un pourcentage de l'achat. Donc ça se passe à la fin de la journée dans ces cas-là par le batching. Et après ça, une fois que toutes ces phases-là sont complétées, tu rentres dans la phase du funding où les transactions arrivent sur ton relevé de carte de crédit. Les cartes de débit, c'est plus rapide parce que ça peut sauter par-dessus plusieurs intermédiaires, mais ça peut quand même prendre un plus de temps que prévu. Selon Money Crashers, par exemple, la phase d'autorisation peut durer plus longtemps pour les achats en ligne qui ont besoin de plus d'étapes de sécurité. Donc, vous pouvez voir sur assemblagerequis.com pour voir les détails de chaque étape, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, en fait, je pense qu'on va arrêter là tant qu'à avoir passé autant de temps sur l'argent. Les liens, encore une fois, sont sur assemblagerequis.com. On va parler de plein d'autres choses, de café et d'argent, sûrement dans la prochaine chronique. Donc, soyez-y. On fait ça à temps perdu dans Assemblagerequis. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui là-dessus, sur ces conseils à suivre. Toujours. Merci à David Ferron pour la chronique Zone Campus pour aujourd'hui. Merci à toi, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Sur nos ondes, à l'émission de demain, on va être mercredi, où la semaine passe vite. Demain, très grosse journée. On va voir à 7h30 Sébastien Viguartin et son bulletin Gartin pour parler d'actualité. À 8h, le bus magique d'Alassani à Couilly. On va parler de corps humain, science, médecine. À 8h30, Gabriel Béhoud et un retour sur le match de la lutte qui avait lieu hier et le prochain match qui a lieu jeudi soir à 20h à la Chasse-Galerie avant le prochain match régulier qui sera lundi prochain. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est mardi, donc à 10h, la reprise du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À midi, rediffusion de Rock de Neuron. À 14h, toi et moi serons de retour pour les Pommes Racines. Ben oui! Génial. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et 21h, matière noire avec du métal progressif. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Tania, merci encore. Merci à toi, Mathieu. On se dit à demain, 6h30? Oui, demain. Si la radio roule. Parce que c'est... Ça reste à voir. Pas tous les matins. Ou non. Bonne journée. Bye. Bon café. Oui.